Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Parlons Cinéma, l'émission où on discute des actualités cinématographiques qui nous ont marqué durant le mois passé. Vous êtes à l'écoute de l'épisode numéro 20, où nous parlerons des actualités du 15 janvier au 17 février 2017, date d'enregistrement de ce numéro. Je suis Axel, votre hôte durant cette émission, et j'ai le plaisir d'avoir avec moi un de mes invités habituels, Morgane. Salut. Bonjour. Comment vas-tu ? Ah, je vais très bien. Je suis seul chez moi tout un week-end, donc voilà. Ah, parfait. Je vais pouvoir encore parler plus fort pour dire encore plus de conneries. Et pour crier Ty Sheridan. Pour crier Ty Sheridan. D'ailleurs, je vais le faire. Ty ! Voilà. Voilà, vous avez eu son cri de guerre. Donc, si vous êtes assidu, vous avez remarqué qu'on enregistre deux jours après avoir enregistré un podcast Movie Nerd, donc on se remet. On revient en force. C'est vrai qu'on n'avait pas fait de podcast et tout, et là d'un coup, paf. Ouais, on en fait deux d'un coup là. Pouf. Et après, dans deux semaines, on en refait un. Dans deux semaines, on en refait un et tout sur les. Ouais, ça va être. C'est bon, on est reparti, la machine est relancée. Donc voilà, on a un petit programme sympatoche, quoi. C'est pas non. Enfin bon, on était quand même payé, hein, parce que. Oui, bah. On a fait la même que Pénélope Fillon, quoi. On a fait des podcasts fictifs. Podcast du coup, fictif. On était quand même rémunérés derrière. On a fait des podcasts de deux heures, mais il y avait que du blanc. Voilà, voilà, des podcasts de deux heures, mais on n'entendait rien. Ouais, voilà. Et on était payé, c'est fou ça. On était payé. Non, puis, donc on a. Pas de politique. Non, bon, ouais. On a pas de. On a un programme assez sympathique. Et en plus, en fin d'émission, vous aurez nos prédictions sur les Oscars. Nos pronostics sur les Oscars. Oui, pronostics plutôt. Donc, sur les catégories principales, hein, on va pas vous faire nos pronostics sur le meilleur mixage. Ça n'aurait pas trop d'intérêt. David Guetta pour le meilleur mixage, je pense. Oui, bah, j'imagine. Ah ouais. c'est une idée originale de Morgane. Donc voilà, c'est lui qui a proposé l'idée, mais j'ai trouvé ça sympa. Donc on le fait maintenant ici dans Parlons Cinéma. C'est l'émission qui me paraissait le plus appropriée pour le faire. Donc ce sera en fin d'émission. Et je crois qu'on va pouvoir tout de suite commencer avec les news. Et une news d'un film, je sais que ça va te ravir, Morgane. Oh super, j'ai hâte. Donc Shia de Poule 2 est confirmé. Et ce sera toujours le réalisateur Rob Letterman qui avait fait le premier, qui sera derrière celui-là. Donc c'est toujours un film adapté de la célèbre saga de roman Shia de Poule. Qui savait quand même rapporter 58 millions de dollars. Non, pardon, 156,7 millions de dollars pour un budget de 58 millions, donc c'est pas dégueulasse. C'est, à mon avis, c'est pour ça qu'il faut un deuxième. Voilà, il y aura toujours Jack. On sait pas s'il y a Jack Black. Jack Black n'est pas encore confirmé. C'est celui qui jouait le rôle de l'auteur. Et, oui. Ouais, je ne sais plus. R.L. Stein. Voilà. Et ce sera scénarisé par Darren Lemke, qui a scénarisé Turbo et Shrek 4. Donc voilà. Turbo et Shrek 4, ouais. Des chefs-d'œuvre. Oui, oui. On a le droit à la crème de la crème. Et de toute façon, enfin, Letterman est assez occupé pour les années à venir, puisqu'il est également annoncé pour le film live Pokémon et la nouvelle adaptation du jeu de rôle Donjons et Dragons. Donc voilà, on a le droit à la crème des réalisateurs pour des projets comme ça. Voilà. Donc moi, j'ai pas vu Shia de Poule 1 parce que Morgane en avait parlé et franchement, ça n'avait pas trop donné envie. Donc toi, est-ce que tu voudrais voir un deuxième ? Enfin, est-ce qu'un deuxième t'intéresserait ? Un deuxième, non. Oui. Parce que le premier était une horreur. Voilà. Le premier, c'est un espèce de Jumanji. Du pauvre. Ouais, voilà, un Jumanji du pauvre, c'était totalement consternant et c'était moche en plus, c'était hyper moche. Ouais, je vois vraiment pas l'intérêt d'un Shia de Poule 2. D'ailleurs, je savais même pas que ça avait marché. En plus, il avait été mal distribué en France. Enfin, non, c'est pas mal distribué, mais le film était déjà disponible depuis, je crois, deux mois sur les sites de téléchargement. Ouais. Voilà, donc tout le monde avait pu le voir. Moi, j'ai joué le jeu, je suis allé au cinéma et j'ai bien compris. J'ai bien compris ma douleur. Ouais, voilà. J'imagine. Oui, bon, voilà. On verra ça hein, quand c'est sorti. Ah, j'ai hâte, on y sera. Oui, oh, bah, oui. Super. On passe maintenant à une adaptation. On va passer à deux adaptations à la suite de jeux vidéo. De jeux vidéo. Voilà. Dont un que je ne connais pas, The Division. Je ne connais pas du tout. The Division, c'est un film, c'est un jeu. de Ubisoft. Tu connais les studios Ubisoft pour avoir pondu Ubisoft. des films tels que Assassin's Creed. Assassin's Creed, oui, Voilà, voilà. donc c'est le Chef-d'œuvre prochain. de l'année 2016. Oh mon C'est Dieu. le second film du line-up Ubisoft de leur film, enfin dans leur filmographie. Enfin, ils veulent faire des Qui sont films, pas voilà. tellement. Enfin, Ubisoft, je sais qu'ils sont très souvent critiqués, en fait. Au niveau Ubisoft. de jeux vidéo, tu parles? Au niveau de jeux vidéo, ouais, je sais que les grands fans de jeux vidéo, dont un ami que je connais, il est pas très très très fan d'Ubisoft, il m'en dit beaucoup de mal, hein. Ah, ben, en fait, ça dépend. Il y a beaucoup de, ils font beaucoup de trucs pour l'argent, mais en même temps, qui ne fait pas dans ce genre d'industrie. Mais il y a quelques projets que je trouve très sympathiques. Hein. Par exemple, les Rayman et tout ça. Enfin, Ah, Rayman. pas les lapins crétins, hein, mais les vrais jeux de Ouais. plateforme, etc. Il y a des trucs vraiment sympathiques qu'ils font, mais à côté, ils font des gros blockbusters comme The Division, par exemple. C'est un jeu. Tu connais pas le jeu, en fait. C'est The Division, non. j'en ai entendu parler, mais Ouais, alors là, je pourrais pas te dire ce que c'est. c'est un jeu, un genre de MMO, donc multijoueur online, Ouais. toujours connecté, enfin, dans l'univers d'un Manhattan quasi apocalyptique. Donc voilà, il y a des infectés, enfin, il n'y a pas des infectés, mais il y a des gens bizarres, enfin voilà, il y a des trucs à faire. Moi, j'ai pas joué aux jeux vidéo, le scénario a pas l'air non plus dingue de base du jeu vidéo. Donc là, ce sera avec Jake Gyllenhaal et Jessica Chastain. Ah, si, il y a Jessica Chastain, alors là j'attends. Alors, comme pour Assassin's Creed, comme il y a mon actrice préférée, j'attends The Division, ça y est. Il y avait Marion Cotillard dans Marion Cotillard dans Assassin's et Creed, et là. Bah, ouais. Non, ouais, Fassbender. Eh non, hein, oui, Fassbender, Fassbender, acteur préféré, enfin un de mes acteurs préférés, dans Assassin's Creed, et là Jessica Chastain, pourquoi pas? Là, je vais sortir la même chose. Si y a Jessica ouais. Chastain, Assassin's Café, tout ça. Et on se reverra On dans se 2 ans. reverra dans 2 ans, il sera dans mon flop et je pleurerai. Et voilà. Voilà. Et ce sera écrit et réalisé par Stephen Gagan, Gagan, qui Stéphane Gagan. Gagan, Oh ouais, putain. qui avait, qui vient de réaliser Gold avec Matthew McConaughey et qui sortira en mars 2017, je crois, et qui détient un Oscar du meilleur scénario pour Trafic de Soderbergh. Et il avait aussi écrit le jeu vidéo Call of Duty Call Ghosts, of Duty le Ghost. scénario, voilà, Il y a des le scénario scénarios de. dans Call of Duty? Oui, voilà, c'est ça. C'est la première nouvelle. Voilà. Donc voilà, il avait écrit le scénario de ça. Donc et Le mec, il bah, avait deux apparemment, il post-it qui traînaient, il a gribouillé trois trucs et il dit, tiens, je tiens un scénario de Call of Duty. c'est ça, exact. Là, Oh là on là, va se faire détester par tous les 12-13 ans ouais. qui vont nous écouter. Oh, même plus, hein, tu sais. Non, mais voilà. Si vous aimez Call of Duty, c'est pas grave. Hein, enfin, non, mais en plus, je pense que si vous jouez à Call of Duty, c'est plus pour le multijoueur que pour le scénario, franchement. Donc voilà. Un nouveau film Ubisoft, Division. Moi, j'en attends pas grand-chose parce que déjà, l'univers me tentait du jeu vidéo, mais je trouve que. De ce que j'en ai vu, l'histoire, ça n'a pas l'air très passionnant. Et en plus, apparemment, le jeu est assez déserté depuis qu'il est sorti. Donc, c'est pas trop une. Enfin, ils font pas beaucoup d'argent avec le jeu. Donc, voilà. Je sais pas pourquoi ils s'empêtrent là-dedans. On verra bien. Mais toi, post-apocalyptique, Bah, honnêtement, le Manhattan, domaine post Jessica Chastain. Jessica Chastain post-apocalyptique, j'adore ça. J'adore Jessica Chastain, j'adore le voilà, j'adore la post voilà, voilà. Il y a pas de problème. Ouais. Maintenant Ubisoft, bah je me remets pas toujours de l'échec artistique clairement d'Assassin's Creed. Et d'ailleurs, enfin, parce que à la base, ils nous avaient promis Ubisoft que c'était vraiment pensé par eux, voilà. Et puis même les Ouais, fans voilà, du c'est jeu, ça. apparemment, ont quand même dit qu'il y avait beaucoup de libertés qui avaient été prises, même si je continue à dire que des libertés dans une adaptation, c'est toujours très bien. Mais je Oui, sais c'est ce qu'il pas, faut, hein. voilà, compte tenu du résultat d'Assassin's Creed, moi honnêtement, je mise pas gros sur The Division. Après, j'attends de voir des bandes annonces quand même, des Ouais, affiches, bien sûr, et Jessica Chastain est à l'affiche, donc voilà. Passer de Terrence Malick à ça, quand même, c'est quand même assez étonnant. Oui, Donc voilà, bah oui. pourquoi pas. Bon, on verra bien. Et du coup, côté projet aussi, Ubisoft prévoit toujours l'implication de l'acteur Tom Hardy dans l'adaptation de Splinter Cell. Tom Hardy, Splinter Cell. Ah ouais. Ouais. censé être réalisé par Doug Liman. Doug Liman. La mémoire dans la peau. Enfin, le... Oui, ouais. Il me oui, semble. Oui. Doug Liman a fait le premier, ouais, la mémoire dans la peau, et ensuite ouais, c'était. C'est ça. Edge of Tomorrow. Edge of Tomorrow. Ah, hein, oh merde. Ah oui, quand même. Ah non. Je veux pas. Ouais. Non, j'avoue, voilà. Je suis pas fan. À l'époque où il est sorti, Edge of Tomorrow, tout le monde m'en disait du bien, et ouais, j'étais un peu moi tout plus, seul suis... à être ouais. un peu ouais. froid, quoi, devant ce film-là. Bah moi ça, aussi, j'étais resté de ouais, froid devant de ce film parce que j'adore Tom ça. Cruise et Emily Blunt, ouais. très badass. Mais Tom Hardy en Splinter Cell, ça peut le faire, ouais, quand même. Ouais, ouais. Même si, donc, bon, enfin, quoique, parce que c'est quand même un gros buff, Tom Hardy, donc faut de l'infiltration, faut être svelte. Le mec, ouais. il fait la taille d'une armoire. Il va... Je le vois pas ramper sur le sol avec son. Ouais, arme. Non, ça risque d'être un peu difficile. Ouais. On verra bien un ça. Un Benedict Cumberbatch. Ah, lui, il est tout mec comme une tige, il passe même en dessous des portes, lui, non. Ouais, mais après. Ouais. Mais Tom Hardy peut maigrir après, il le fait souvent. Ouais, oui, c'est vrai en plus. Passons à, rapidement. On en avait parlé, je crois, dans un épisode assez lointain, de Tomb Raider, la nouvelle adaptation qui est cette fois-ci lancée. Le tournage a commencé avec l'actrice Alicia suédoise Vikander. Alicia Vikander. Voilà, c'est toujours réalisé par le réalisateur norvégien Roar. Utog. Oh là, ils vont les chercher voilà. où bah, en Norvège. Et ben oui. j'ai envie de dire, ils ont fait les pays du Nord et voilà, ils ont trouvé. Bon, je sais pas si ce que ça va donner. J'ai pas vu de film de ce monsieur, mais oui, non plus. Voilà. T'es toujours intéressé par un nouveau Tomb Raider. Alors pour ce qui est... Ah oui, sachant que désolé, j'ai oublié de dire que elle devra affronter. Walton Goggins, donc le shérif des 8 salopards. Ah, voilà. Alors, bon, sur le casting, j'ai rien contre. Alicia Vikander, je pense qu'elle peut avoir les épaules, même si elle se fait un peu tailler de partout parce qu'elle est pas, elle a pas assez de forme ni rien. Enfin, réduire Tomb Raider à des formes, enfin, je veux dire, ça me paraît vraiment naze de ce principe-là. Néanmoins, je suis un peu sceptique parce que là, je vais aussi comparer Assassin's Creed. Le Tomb Raider, donc l'adaptation qu'on va avoir, ce sera en gros le. Ils vont se baser sur l'un des derniers jeux vidéo qui était sorti. Ouais, c'est ça, le reboot. Le reboot, un peu plus voilà. Dark, donc, du coup, un peu plus, elle n'est pas encore. Enfin, elle est pas au top de sa badasserie, si je puis dire. Mm-hmm. Elle est, ouais, c'est un c'est personnage ça, en formation. Voilà, et... c'est un personnage ouais. en formation. Donc, du coup. Ce qui veut dire que ça va être pensé comme des suites. Mais si le film ne marche pas, il n'y aura pas de suite. Comme ouais. c'était le cas pour Assassin's Creed, parce qu'on n'aura pas d'Assassin's Creed 2. Alors que la fin du film, avec Fassbender, clairement, il y a une suite. Enfin, ça annonce une suite. Ouais, c'est prévu. On n'aura jamais. Donc, et c'est un peu la loi des adaptations de jeux vidéo en Amérique. Si le premier ne marche pas, il ne récidive pas. Donc, il faut que le jeu marche. Que le film marche, pardon. Le donc, film marche. Voilà, partant de là, pourquoi pas. Et puis après, voilà, un film d'action, why not. Alicia Vikander, j'ai aucun problème avec elle. C'est pas elle que j'aurais vu en Tomb Raider. Honnêtement, je fantasmais pas mal sur Daisy Ridley. C'était un ouais, peu évident, ouais, mais je trouvais comme que... Tous, hein. Comme tout le monde, voilà. Mais je trouvais ouais. qu'elle avait quand même les épaules pour. Après, bon, j'attends de voir un peu les bandes annonces aussi. Mais de toute façon, je vais vous faire une petite confidence. J'aime quand même les films avec Angelina Jolie. Mais oui, parce que... Surtout le 2. Le 2, c'est un ami qui ah m'a non, fait... C'est... Ah, le 2, il est excellent. La musique du 2. La musique du 2. Le 1 encore, mais le 2... Le 1 peut-être. Je parle trop vite. Mais le ouais. 2, ça va. La musique, la ouais, musique du 2, elle est top. Maintenant, la musique au tout j'ai, début, j'ai elle est oublié, géniale. Mais puis aussi parce que Angelina Jolie en Tomb Raider... Bon, les films valent ce qu'ils valent. C'est pas des grands films. Ouais. Mais ça... Sur le deuxième, voilà, je vais parler que du deuxième, sur le premier, je ne me rappelle plus trop, mais en tout cas, le deuxième, j'avais trouvé que c'était plutôt assez... C'était porté par la badasserie pure d'Angelina Jolie, qui est parfaite, quoi, elle lui ressemble tellement, en plus, c'était évident, oui, c'est elle, Lara Croft, enfin, voilà. Et C'est comme une Jackman pour Wolverine, quoi, c'est... Voilà, c'est puis en plus, regardez les Tomb Raider en VF, avec la voix de Françoise Cadol qui double Lara Croft dans le jeu vidéo, voilà, ça donne un... C'était délicieux, quoi. C'était un peu ouais. comme Resident Evil. C'est des films qui sont nuls, mais qui se regardent quand même un peu bien. Même si le premier, c'est peut-être celui dont j'ai... Bon, allez, je suis peut-être un peu plus sceptique. Mais le deuxième, Le Berceau de la Vie, il me semble que ça s'appelle comme ça, bah, ouais, je crois que c'était cool, je crois. Il y avait Gérard Butler, je crois, qui jouait le méchant. Enfin, c'est... Ça se regardait, ah, mais la musique, je me souviens. Souvenirs. Ouais, ouais. C'est des vieux souvenirs, tout ça. Ouais, non, mais je sais pas. Pour le nouveau, en tout cas, Moi, je suis. Enfin, j'ai du mal à dire maintenant que je suis confiant parce Non, que je peux pas être totalement confiant. j'avais été confiant en 2000, en 2016 pour les adaptations de jeux vidéo et ils m'ont bien eu. Donc, du coup, bah, je ne place plus ma confiance avant d'être sûr du produit fini. En tout cas, pour les adaptations de jeux vidéo. Donc, voilà, on verra bien. De toute façon, on en reparlera quand des bandes annonces sortiront. Le film est prévu pour sortir le 16 mars 2018 aux États-Unis. Donc, on a encore le temps de le voir venir. Voilà. Passons à une autre adaptation, mais cette fois-ci de plus de notre Made côté. in France, Made l'adaptation in France. française par excellence. Made in France, Made in Made Belgique, in j'ai envie de dire Belgique, un petit une peu. fouille. Oui. Voilà, donc les aventures de Spyro et Fantasio. On était censé en parler le mois dernier, puisqu'ils avaient annoncé qu'ils faisaient le film. Et bah, finalement, on en parle maintenant, puisqu'on a eu droit à des images de Thomas Soliveres et, Soliveres et Alex Lutz comme Spyro et Fantasio. Voilà, le film est en train d'être tourné, il a commencé à être tourné du 16 janvier jusqu'au 27 mars, et ça se déroulera le tournage en France et au Maroc. C'est réalisé par Alexandre Coffre, qui a réalisé Une pure affaire. Que j'ai Là, pas vu. tu vas pouvoir dire à tes souhaits, Eja Vja la Jokull, donc Et le film. Jafiala Joko. Ah oui. Ouais. Le film sur le volcan islandais avec Danny Boone, voilà, comment s'en souvenir, et Le Père Noël. Donc, j'ai vu juste le Ah, le film Père de Danny Noël Boone. avec Taha Rahim. Ouais, Ah il me ouais, oh semble. là là, c'était. Oui. Je l'avais vu aussi. Ouais. Ouais, et le scénario est co-signé de Juliette Salles et Fabien Suarez, donc Belle et Sébastien 1 et 2. Donc voilà, on retrouvera au casting, en plus de Thomas Oliveres et Alex Lutz, Géraldine Nakache, Christian Alors, Clavier, Géraldine Ramzy Nakache. Tu vois, déjà, Bedia. tu me dis Géraldine Nakache, j'ai pas envie de voir le film. Je suis nakachophobe. Je n'aime pas cette actrice, mais vraiment pas. Oh! Christian Clavier, encore dans une autre Non, mais adaptation de BD. Christian Clavier, il a vraiment des impôts à payer, lui, c'est pas possible. Il fait tellement de kiff, ce mec-là. Oh! Ramzy Bedia, Ouais, Rami. Vincent Desagna et Charlotte Gabris. Donc voilà, le film sortira le 20 juin 2018, et on a eu droit à une première image. Donc ça, c'est dans les liens de l'article du podcast, si vous voulez voir l'image, qui est splendide, hein, franchement. Ça annonce, c'est vraiment de toute beauté, j'ai envie de dire. Mais plus sérieusement, enfin, moi, ça me fait vraiment peur, et je crois que Franquin est vraiment en train de se retourner dans sa tombe, parce qu'ils ont aussi Ou dans sa annoncé, carapace, entre-temps. Franquin. Oui, voilà, justement. Franquin. Oui. Franck, oui, c'est Franck là. Non, mais ils ont annoncé récemment en plus qu'il y aurait un film live de Gaston. Donc voilà, ils n'arrêtent pas de faire des adaptations de BD, enfin de BD de Franquin. Donc c'est un peu, T'as enfin, fait un lapsus, t'as dit Franklin au lieu de Franquin. ah oui, j'ai Ouais, dit t'as dit Franklin. Franklin, ouais, au lieu de Franquin. D'accord. Alors, ben, je suis désolé. Donc, c'est Franquin, en plus, un de mes auteurs préférés de BD. Donc, non, mais franchement, voilà. Moi, j'ai pas du tout confiance dans ce. Enfin, surtout vu l'équipe qui est derrière, en fait, j'ai peur. Ah oui. C'est principalement à cause de ça. S'il y avait des gens talentueux derrière, je sais pas, enfin, un petit. Mince, comment il s'appelle? Sucarisé OSS 117. Michel Hazanavicius, bah oui, Voilà, un petit forcément. Bah Michel lui. Hazanavicius derrière. En plus, un film d'espionnage comme ça, Spirou et Fantasio, ça pourrait être génial. Oui. Bah oui. Et même les acteurs. Alex Lutz, moi, je peux pas le supporter. Alex, J'ai alors vraiment du Alex mal. Lutz, Alex. Lutz, pardon, j'adore quand il joue le personnage de Catherine ou Liliane, je sais plus sur Ah dans oui. l'émission qui Le va truc. mourir d'ailleurs, le petit journal, je crois. Ah non, non, c'est pas non plus. Non, non, ils sont Non. sur des, C8 maintenant. Franchement, je Ah l'adore oui, quand il se grime. d'accord. Ouais, je l'adore quand il se grime. Voilà, il est drôle. Après, bon, en tant qu'acteur, je suis pas. En tant qu'acteur, il n'est pas Voilà. Bah, c'est fantastique. un jeune humoriste, quoi. Donc, il essaye de faire un peu son truc, mais bon, je sais pas. Ouais. Ouais. Yam. Et Thomas Soliveres, Je le connais pas du tout. ouais, Donc, moi non je plus. connais pas Thomas. Donc voilà. Est-ce que de ce que t'en entends, est-ce que ça te J'ai envie tente? de dire pourquoi faire ça? Oui. Pourquoi? Bah, pour du fric. forcément, parce que bah tu prends Clavier, tu prends voilà, ils sont dans une veine. Bah ça a marché avec Boule et Bill. Le 2 arrive d'ailleurs hein, bientôt. Au secours, Ah oui. au Et d'ailleurs secours. la bande-annonce est tellement gênante. Et j'ai en plus il y a quand même Mathilde Seigny. Et je me souviens à l'époque Mathilde Seigny en 2012 qui avait dit, elle faisait la promo du film Maman en disant je vais arrêter de faire des comédies parce que c'est pas du tout. Et là on la voit en train de. Enfin voilà, un moment de gênance absolue. Et c'est pas encore avec ce genre de film que voilà le cinéma français aura une belle image parce que Ouais. voilà il y a des films français formidables. On en parlera dans le prochain podcast. Il y en a un qui me tient vraiment à cœur dont je vais parler. Ouais, On peut qui faire n'est des pas sorti chez qui est moi une et je suis adaptation dégoûté. aussi, comme quoi, De de BD. BD, et belge en plus aussi. Et voilà, donc on peut faire des choses, mais là, je pense qu'on va aller vers le côté comédie pour enfants, avec des gags très enfantins, très puérils, voilà. Ouais. Encore avec un bon réalisateur derrière, bon, Et un bon scénariste, ouais. voilà. Après, sur les adaptations, bah, par exemple, j'ai un bon souvenir du Marsupilami d'Alain Chabat. Je l'ai pas Il est vu. très bien, Parce que c'est du le Chabat. Marsupilami Bah, me faisait tellement peur. honnêtement, c'est du Chabat tout Ouais. craché. Donc, bon, ça vaut pas Astérix, Mission Cléopâtre. Mais en tout Oui, cas, il y avait une patte derrière. C'est pour ça que Michel Hazanavicius aurait été très légitime pour faire ça. Parce qu'il aurait pas fait qu'une adaptation. Il aurait transcendé le truc. Il aurait été Ouais. beaucoup plus loin. Là, ils vont aller dans le consensuel à mort. Et voilà. Et honnêtement, autant le dire, tu vois Christian Clavier dans un film, aujourd'hui, c'est plus du tout un gage de qualité, quoi. Ah bah non, Voilà. c'est clair. D'ailleurs, news qui vient de tomber. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Qu'est-ce Dieu? qu'on a La fait? suite Ouais, est la en suite de tournage qu'est-ce pour qu'on a fait au bon Dieu, 2018. oui. Ouais. Bon, le Elle film, sera, elle est alors en je vous tournage pour en annonce, parce que bon, pour 2018. le coup, autant on peut être très critique, mais il y a quand même aussi un bashing autour de certains films qui m'énerve un peu, parce que on taxe de racisme et d'homophobie et de sexisme toutes les comédies françaises qui sortent, ça devient un petit peu gonflant, je trouve, alors que les Américains, ils peuvent tout faire sans problème. Les Américains, ils font Sausage Party, on les adore, on les adule. Par contre, nous, on sort à bras ouverts, tout de suite, c'est un truc pour le Front National. Enfin, faut un peu arrêter les conneries, je trouve. Mais d'ailleurs, je peux vous annoncer que Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 2, le film n'est pas écrit, n'est pas encore tourné, mais le film est déjà détesté. Vous pouvez aller voir les avis, voilà. C'est ça. Mais non, mais enfin, moi personnellement, le premier, j'ai vraiment pas aimé. Ah non, mais Et c'est pas une, non mais je c'est comprends pas. qu'on n'aime pas. Hein. Mais après, je Ouais. pense que des fois, on attaque les films Ah non, mais pour des c'est mauvaises pas raisons. Il y a pour des une question morale, enfin, ouais. déjà, enfin voilà, c'est pas vraiment une question morale sur qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, parce que franchement, faut vraiment aller chercher quoi. Je trouve que c'est une comédie bas du front. Oui. Non, et puis surtout qu'il y avait eu Babysitting qui était sorti cette semaine-là. Donc lui proposait vraiment quelque chose de plus neuf. Il y avait des nouveaux humoristes qui s'installaient. Et d'ailleurs, je vais aller voir bientôt leur prochain film, Alibi.com, Alibi.com, qui n'a pas l'air fameux au vu de la bande-annonce. Mais en tout cas, je suis ouais. quand même assez confiant parce que moi, c'est des nouveaux visages, des nouveaux talents. On donne du crédit à ces jeunes qui veulent, enfin, cette nouvelle génération du rire qui veulent tenter des choses. Et c'est tout à leur honneur. Donc je suis très ouvert. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Bon, le succès m'avait dépassé. Je comprends pas pourquoi ce film a marché, franchement. Ouais, Non, franchement, bah. je ne comprends pas parce que autant Intouchable, je comprends aisément, mais alors ce film-là, le succès m'a tellement dépassé, et ça n'a pas joué en sa faveur au niveau de sa réputation, parce que c'est vrai Ah que oui, non, en c'est France, sûr en quand un film plus. cartonne, c'est forcément suspect, mais une suite à ce film-là, ce sera vraiment tiré sur l'élastique, quoi. Ouais. Ben voilà, donc pour les aventures de Spirou Fantasio et pour qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. On verra bien, mais on n'est pas confiant. On va passer maintenant à enfin, plus de la comédie, mais un film d'horreur cette fois-ci. On parlait récemment, je crois, de Saw 8. Oui. Cette fois-ci, on a une date de sortie et un titre français. C'est Saw l'héritage, le titre français. So Et Legacy. Original de dire Saw. Legacy pour. Attends, mais il faut qu'ils arrêtent avec ce mot, hein. Ça devient obsolète, hein. Qui sortira le 8 novembre 2017 et Oh, 3 mise en jours scène. après mon anniversaire. Oui. Et 3 jours avant l'anniversaire de Ty Sheridan. Il est né le 11, voilà, c'est pour ça. Comme ça, vous le Comme saurez. ça, vous le saurez. Je ne le savais pas. Je connaissais l'anniversaire de Morgan, je ne connaissais pas l'anniversaire de Ty Sheridan. Maintenant, je le Voilà, connais. tout le monde connaîtra l'anniversaire de Ty. Mise en scène par Michael et Peter Spierig. À qui l'on doit les films de science-fiction Daybreakers et Prédestination. Il Daybreakers. me semble que C'était avec je crois que Ethan j'ai Hawke, je vu. crois, Daybreakers. Ouais, C'était Daybreakers, pas j'ai vu mal. avec Ethan Hawke. C'était pas Ouais, dégueu. c'était pas dégueu, j'avais Ouais. plus du truand sur le coup. Voilà. Pour l'instant, on sait pas ce qui va se passer dans le film. Mais on peut quand même deviner que ce sera, vu le titre, l'héritage, ce sera quelqu'un qui va prendre la suite de Jigsaw, Oui, de toute façon, j'imagine, quand on voit on la fin du imagine. 7 où on apprend que, en gros, voilà, celui qui a aidé le tueur du puzzle, c'était un des personnages qu'on voyait dans le premier film. Donc voilà, mais d'ailleurs, c'était un twist qu'on voyait D'accord. venir, hein. Franchement, Ok, tout le monde savait d'accord. que le docteur Gordon, parce qu'à la fin du premier, il se coupe un Bon, pied. spoiler hein, pour ceux qui Oui, nous. bon, tout le monde les a vus, de toute façon. Hein. Ouais. Et il se coupe le pied, on le voit plus pendant 6 films. On se Ah, c'est dit que. ça la parodie dans Scary Dans Movie Scary Movie, 4? ouais. Ouais. On se dit forcément que ce personnage-là, il va forcément revenir. Et puis à la fin, on apprend qu'il a aidé. Enfin, on se dit, oh, comme par hasard. Enfin, voilà, le twist vraiment prévisible à mort. Et donc, à mon avis, oui, ça va jouer là-dessus. De toute façon, on me dit, il n'y a pas de. Enfin, le spoil est évident. De toute façon, je pense que la bande-annonce montrera forcément. Mais je sais pas quoi. Attends, j'ai un gros doute parce que. Est-ce qu'il est crédité au générique? Enfin, est-ce qu'il est crédité dans le casting? Qui ah le Ouais, personnage je sais pas. mais je crois pas qu'on ait de casting hein. Ouais, voilà, c'est Je ça. suis pas sûr qu'on ait de Pas casting encore. Par pour contre, encore. l'acteur Ah si alors Tobin Alors, Bell Tobin Bell, c'est le nom du tueur au puzzle qui est censé être mort dans le 3. ouais Laura Vandervoort Non, c'est. et Anna Anderson Non, il voilà s'appelle c'est Carrie, tout je le sais pas seul casting comment. d'accord ok Pas Fisher, hein, ce serait glauque. Mais. non. Mais. Non, pas Carrie, ce que je raconte. Oh, je ne sais plus. Bref. D'accord. Ouais. Ben oui. Donc toi tu aimes Saw numéro 1, un peu moins les autres. Oui, alors attendez, je rebondis. Oui, c'est Carrie Elvest, un truc comme ça. Voilà, bref. Ok, Saw d'accord. 1, oui, pour moi, c'est un chef-d'œuvre monumental. C'est le renouveau du thriller. En plus, c'était fait avec très peu de budget. Hein. C'était un huis clos très oppressant, très anxiogène, avec une ambiance, un postulat assez minimaliste de base. Et pour moi, un des plus grands twists de l'histoire du cinéma. C'est que ce D'accord. twist-là m'a rendu fou à l'époque où j'ai vu le film, et pas que moi d'ailleurs. Hein. Après, bon, le 2 se regardait un petit peu, mais il n'y avait plus James Wan à la réalisation, et ça se sentait un peu. Et ensuite, sont devenus des espèces de machines industrielles à faire du fric, à relancer, à faire twist sur retwist, sur twist, sur twist, sur twist. Et au bout d'un moment, je me perdais totalement sur les personnages, parce que lui croisait un tel était avec lui, en fait, c'est pas lui, puis lui, c'est. Oh. Au bout d'un moment, c'est aussi compliqué à suivre que les feux de l'amour, clairement. Donc, D'accord. et comme j'ai dit, le chapitre final, donc par rapport à Resident Ouais, Evil, où oui, là c'est c'était vrai, en plus vraiment le le chapitre septième. final, là bah non, ils étirent quand même le truc. Voilà, donc on a la suite du chapitre final, ce qui est logique. Et cette fin, j'ai quand même un très mauvais souvenir de Saw 7, parce que voilà, ce twist qui était prévisible, il y avait. Enfin, C'était Saw 3D, je crois, en c'était France. Saw 3D, ouais. Saw 3D, Ouais. chapitre final, voilà. Et là, voilà, Saw Legacy, déjà le titre tellement original. Voilà, c'est Legacy à chaque fois. Ouais, tu le sens comme Tron, hein, Ouais, bah, c'est. Tron, Jason Bourne, enfin voilà, Ouais, voilà, Legacy, enfin bon. Legacy, voilà. Donc, je sais pas. Après, j'avoue, quand même, j'ai vu le premier teaser. Bon, l'ambiance un peu poisseuse, ça peut me donner envie quand même. Mais bon, d'un point de vue scénario, j'ai quand même bien décroché, quoi. Donc, D'accord. ouais. Oui, ben moi je n'ai pas vu de. Je n'ai vu aucun saut. Donc, je t'ai Donc spoilé, c'est voilà. bien. Mais oui, mais c'est pas C'est pas grave. Non, mais je ne t'ai pas grave. dit. Oh, bah, non. Non, Non, mais je m'en fiche, hein, même ça. avec ce que je t'ai dit, tu verras que la fin du 1, tu seras quand même sur le cul. Ok. Mais je pense qu'un jour je verrai quand même le 1. Le reste, je m'en fiche un Le peu, reste, ouais, c'est clairement. des torture porn de. Mais le 1, j'en entends de plus en plus de bien. Et voilà, je pense que j'ai été un peu dégoûté par tout. Enfin. Partout, toutes les suites en fait Ah où je oui. voyais à chaque fois c'était la même merde et tout ça enfin voilà toutes les to tortures porn etc ça me tente enfin c'est vraiment pas des films qui m'intéressent donc voilà on verra bien ça on passe maintenant à la déchéance de DC Oh putain, les Comics pauvres. on bâche pas en plus Non, hein, non, enfin non. c'est pas pour bâcher qu'on dit ça parce que c'est moi je suis vraiment désolé pour eux parce qu'ils essayent de mettre en place un truc et ça foire mais monumentalement enfin on n'en sait pas grand chose encore mais il y a quand même pas mal de choses qui se passent et qui annoncent pas des très bonnes choses quoi pour la suite donc on commence avec The Flash qui on en parlait ben il y a enfin il y a deux épisodes il me semble ou un seul, je sais plus, que il avait perdu son deuxième réalisateur. Donc, enfin, il a perdu deux réalisateurs à la suite The Flash. Donc, d'abord Seth Graham Smith et après Rick Famuyiwa. Voilà. Et maintenant, c'est reparti pour réécrire le scénario. J'ai l'impression déjà. Qu'il y a une espèce de malédiction autour de ce projet. Voilà, scénario qui sera réécrit par Joby Harold, qui a scénarisé Le Roi Arthur, la légende d'Excalibur, donc le prochain film de Guy Ritchie. Voilà. Mon absence de réponse est éloquente. Hein. voilà. Et il me semble Edge of Tomorrow, si je me trompe pas. Ah. J'ai un doute, mais je crois que c'est qu'il a scénarisé Edge of Tomorrow. Ouais, juste. Je vérifie. Non. Non. En fait, il a produit Age of Tomorrow. Voilà. Mais voilà. Malgré tout, il a fait ça. Donc maintenant, il va réécrire le scénario. Pendant que Ezra Miller s'absente pour tourner Les Animaux Fantastiques 2. Donc voilà, ça leur fait une bonne occasion pour réécrire le scénario. À mon avis, il valait mieux peut-être le réécrire vu que deux réalisateurs se barrent. ça annonce pas enfin voilà, il valait mieux le réécrire, je pense. Donc voilà, on n'en sait pas grand-chose d'autre. On verra bien. Est-ce que tu es toujours confiant pour ce projet ou pas? Non, bah, de toute façon, j'ai jamais trop cru à Un The F flash. bah non à The Flash. Le Ouais, problème, c'est que ça, The Flash, ouais. il ne fait que perdre des réalisateurs. Voilà, le scénario. Je me demande si vraiment le film va finir par être fait, par être écrit. Je ne veux pas, je vais pas, comment dire, me lancer dans une guerre contre DC parce que je veux pas encore être Ben taxé de hater, etc. Mais non. non, le problème, il est là. De toute Ouais, c'est façon, vrai. que ce soit, de toute Mais façon, de toute façon, quand on dit du mal de on a Marvel, on eu, est ouais, un voilà. hater. Quand on fait du mal de C'est DC, ça. c'est voilà. Et puis bon, moi, je trouve que DC a des gros problèmes en ce moment, clairement. On a beau dire que Batman vs Superman, oui, on a compris, c'est sombre, c'est machin, c'est mature, ok, mais le film n'a pas plu. Donc peut-être que enfin, c'est pas peut-être, c'est sûr, le film est très bon, mais DC, ça ne se résume pas qu'à Batman vs Superman. Il y avait Man of Steel, il y avait Suicide Squad. Et en fait, on a Voilà. l'impression que les gens, ils ont tellement été aux anges avec Batman vs Superman, ce que je peux comprendre, parce que le film est très bon dans sa version Extended Cut, truc bazar, que voilà. Donc du coup, j'ai l'impression qu'ils oublient Man of Steel, qui était quand même pas bon, et ils oublient Suicide Squad, qui est quand même un gros tétron, un gros nétron, non, Un gros un gros étron. étron, un gros nétron. Voilà. Et D'ailleurs, en plus, David, d'ailleurs, qui s'est excusé publiquement sur David, ah Twitter. oui voilà, David d'ailleurs Et qui dit, ça m'a fait mal au cœur de voilà. lire tout ça parce que il dit, enfin, moi je bâchais pas vraiment, enfin, je disais ouais, David d'ailleurs a mal réalisé son film, etc. Et bah, Mais il disait on que voit non à aussi que, l'époque. À l'époque, il disait non, non, mon film est bon, vous inquiétez pas. Puis là, il dit oh, bah finalement, ouais, j'aurais peut-être dû mettre le Joker en méchant principal, sans blague. Ok. oui, Non, mais bon, au bout d'un moment, mais c'est voilà, foutage de bon, gueule, quoi. Et oui, sur et Suicide puis Squad bon. 2, je sais pas si tu es au courant, Axel, mais la Non, je Warner ne sais pas. est en train de convoiter un certain Mel Gibson. C'est dire s'ils ont la dalle. Mel Gibson, qui, Ah oui, je crois rappelons-le, que j'ai lu déteste ça, Batman mais vs Superman. ouais. Donc, ils veulent engager, pour la suite d'un mauvais film, un réalisateur qui déteste tous leurs films. Faut quand même comprendre la logique. Voilà. Et Oui, c'est le non, mais il problème me un peu semble de que DC c'est. Comics en ce J'espère que moment. c'est qu'une rumeur, parce que sinon, c'est Mais Mel vraiment très Gibson jamais débile. Hein. C'est. n'acceptera ça, c'est pas Bah possible. non, ouais. Il Même pour déteste. payer ses impôts, il le Même, ferait ben pas. non, tu ne tueras point à cartonner. Il a prouvé quand Oui. même que voilà, c'est un mec qui a toujours des ressources. Il veut pas faire. Je vais pas dire de la facilité. On va encore me dire, ah ben oui, t'as pas vu les Marvel, ils sont faciles, il y a de l'humour, blabla. Ok, mais j'imite un peu les fans de DC parce que c'est vrai que je suis un peu dans une guerre parce que moi, je suis pas pro Marvel, je suis pas pro DC. Moi, je regarde les films Marvel, DC, j'en jette de partout. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je dois reconnaître que Marvel me satisfait plus, ne serait-ce que sur l'aspect divertissement. Parce que, ok, Civil War, c'était pas un chef-d'œuvre, mais au moins sur son côté spectacle, sur sa promesse de spectacle, m'a pas menti sur la marchandise, je me suis éclaté. Suicide Squad, j'ai trouvé cela pas regardable du tout. Donc c'est pour ça que je suis très pessimiste sur l'avenir de la DCUE, machin. Et encore plus avec une autre nouvelle dont on parlera tout à l'heure. Voilà, donc on va passer, enfin on va pas passer, je vais juste rapidement dire, pour moi The Flash, ça a l'air d'être un peu compliqué et j'attends pas vraiment le film, hein. Comme j'attends pas non plus, enfin je sais qu'il va y avoir Wonder Woman et Justice League qui sort cette année, Je et sais, Justice League, ouais, Wonder Woman, je le sens pas, Justice League, je le sens ouais encore voilà, moins. Mais moi non plus, je sens pas les films. Donc après, je suis pas à l'abri d'une bonne surprise comme c'était pour Batman v Superman. Et je serais très content si c'est le cas. Si ce Mais sera le ils vont nous cas, la donc. refaire à la façon, ils vont nous sortir. Parce que Justice League apparemment durera 3 heures. Donc à mon avis la version longue fera 5h28. Donc ils vont nous dire Ouais, c'est ça. C'est Mais 3 heures quand toujours même, ça. hein. Ouais, bah oui, 3 heures quand même. Ouais, c'est quand même long. On verra bien. Mais bon, après, il y a quand même pas mal de personnages à présenter. De nouveaux personnages, justement. Bah, il y aura Cyborg, il y aura The Flash, Aquaman, qui n'auront pas eu leur film entre-temps. Oui, qui n'auront pas eu leur Donc, film. Donc voilà, voilà. encore une fois, je trouve que la mécanique, les personnages, il faut les présenter dans des origin stories. Par exemple, Doctor Strange. Bon, je compare à Marvel. Je suis obligé de le faire parce qu'ils sont, ils essayent de rattraper leur mécanique. Je suis désolé de le dire. Doctor Strange, c'est une origin story. C'était très bon d'ailleurs. Au moins, le personnage est introduit. Ça y est, quand on le verra dans Infinity War, je vais savoir qui c'est. Je vais pouvoir être attaché à ce personnage-là. Mais là, Aquaman, on le verra que 2017, non, voilà, en 2018, il me semble, 2018, le film Aquaman, et avant, on aura Justice League où il y aura déjà Aquaman dedans, il me semble. ouais. Ouais. Aquaman qu'on a vu Et dans, ouais. dans Batman versus Superman, le temps de quoi? 5 secondes. Déjà, Ouais. c'est pas. Déjà, je trouve qu'il n'y a pas de logique artistique, il n'y a pas de cohérence dans la façon d'introduire leurs personnages. Et dans des univers comme ça, qui s'étalent sur plusieurs films, plusieurs années, etc., il faut que les personnages soient bien introduits. C'est la base. Pour qu'on soit intéressé par les tenants et les aboutissants du scénario, il faut que les personnages soient suffisamment attachants, et qu'on les connaisse un minimum. Si on ne connaît pas les personnages, il va falloir s'adapter, quoi. En cela, c'est pour ça que je trouve que le Batman versus Superman, sur le truc avec Ben Affleck, c'est pas bon. Il aurait fallu faire le Batman solo avant. Et je pense qu'il aurait Oui. peut-être été mieux reçu à l'époque, enfin, s'il était sorti en salle après un éventuel film Batman solo. Au moins, Man of Steel, il y avait un film solo avant. Donc voilà, c'était au moins ça. Voilà. Donc on continue à d'ici juste après la news qui va, je pense qu'on va passer très rapidement sur celle-là. Donc il y a un reboot de Highlander Highlander. qui est en projet. Donc le réalisateur qui s'en occupera, c'est Chad Stahelski, qui, je ne sais plus ce qu'il a fait. Ah oui, il a fait John Wick, Ah, voilà. John Wick, oui. Ouais, Que j'ai pas vu. il a, oui, mais qui avait l'air, c'est pas, enfin ça, c'est un film Ben, d'action j'ai quoi. l'impression que tout le monde le réhabilite avec le 2 qui est en train de sortir. À l'époque, le 1, les gens avaient aimé, mais moyen. Et là, comme le 2 va sortir, je crois, d'ici une semaine ou deux, hein, les gens sont en train de parler quand même de films géniaux, etc. Donc, peut-être falloir que je me Ouais, mate le bah premier, histoire d'avoir le 2, quoi. ça a l'air d'être des films d'action plutôt sympathiques, hein, Mais c'est pas avec un le postulat un problème. peu bizarre, parce que John Wick, c'est quand même l'histoire d'un mec qui se fait voler son chien et qui devient vénère et Oui, qui bute tout le monde. c'est vrai, c'est ça. Bon, vous me direz si Ça, vous me c'est par volez contre. Mulder, moi je vous cours après avec un katana, hein, cherchez pas les gens. Donc voilà, justement en parlant d'épée, Highlander se fait rebooter par ce réalisateur et il a parlé un peu sur le projet et il a dit qu'il voudrait faire une trilogie à la manière de Star Wars, qu'il voudrait être capable de raconter trois histoires qui se complètent et il voudrait faire quelque chose. En fait, il a dit, je trouve que la saga Star Wars, au moins jusqu'à l'Empire contre-attaque, est un bon exemple de ce que nous voulons faire. Donc s'il prend l'exemple de l'Empire contre-attaque, ça veut dire qu'il y aurait 5 films. Donc, 5 films voilà. Highlander quand même, déjà qu'ils en fassent au moins un. Voilà, ce serait un peu compliqué. Donc voilà, en plus, le premier est sympatoche, mais ça a pas mal vieilli. Et enfin après, les suites ont donné enfin, des moments historiques, hein, dans l'histoire du cinéma, j'ai envie de dire. J'en ai vu aucun C'était. Highlander. Ouais, Aucun. mais je peux te dire que tu. Enfin, si t'as envie d'en voir un, c'est le premier, et puis après, tu peux t'arrêter. Non, ça va aller. Parce que. Ça. Oui. Parce que, voilà, c'est vraiment pas terrible. Les suites, c'est vraiment limite du nanar à partir du troisième. Même si c'est pas le deuxième qui est déjà un nanar. Donc voilà. C'est après un reboot maintenant de Highlander, c'est pas quelque chose qui me fait sauter de joie maintenant, mais si c'est bien réalisé et si c'est un peu dynamique comme John Wick au niveau des scènes d'action, etc., ça peut être sympa. Au niveau des duels d'épée et tout ça à manière de John Wick, ça pourrait vraiment être cool. Donc moi je demande à voir. Après une trilogie, c'est vraiment s'avancer très rapidement Mais dans un oui, ça truc. avance, ça. Voilà. Putain. C'est vraiment. Attends, déjà fais un scénario Oui, pour le déjà, faut faire premier. déjà le premier, on voit comment ça se passe et tout. Bon. Voilà. Oui, tu peux prévoir un petit peu, tu Oui. peux avoir des idées en tête de ce qui, de trucs C'est qui quand même peut élargir effarant aujourd'hui. l'univers, Il mais. prévoit, non, on prévoit pas un film, on en prévoit 12. Ouais. Voilà. Et en plus, il dit que ouais, ils sont en train de redévelopper le script pour avoir enfin, pour faire trois films et pour élargir l'univers et peut-être en faire une série télé. Oh putain. Série télé Highlander, mais ça a déjà existé, ça. Oui, Il y a ça a même Franck déjà Dubosc qui a existé. fait une apparition un jour. Oui, avec Duc Le Duc, de oui, ouais. je sais plus quoi là. C'était très marrant. Mais voilà, donc on verra bien. Toi, comme ça t'intéresse, enfin, t'as pas vu les Ah, je films. m'en tape, mais alors d'une Ouais. force d'Highlander, mais pouf. Moi j'aime bien Oh. l'univers, mais le premier suffit, voilà. J'interviens juste rapidement alors que je suis en train de faire le montage de l'émission, j'espère que vous l'appréciez d'ailleurs. Mais avec Morgan, on a eu la news juste 2 heures après avoir enregistré que finalement Matt Reeves ne réalisera pas The Batman, ce qui est le contenu de la prochaine news que vous allez entendre juste après. Je la laisse quand même en entier parce qu'elle comporte des choses assez intéressantes sur le fait que Ben Affleck quitte le job de réalisateur sur The Batman. Donc voilà, je la laisse quand même en entier, mais sachez que voilà, Matt Reeves ne réalisera pas le film. C'est juste la seule fausse information qu'on m'a donnée. Donc voulais vous prévenir avant. Et moi, je vous quitte à la manière de Batman dans les années 60 et je vous souhaite un très bon podcast. Passons à DC de nouveau. Oh, DC, les fameux. La, Oh, voilà, l'histoire oh qui a la fait. malédiction, le pauvre, il a Ashkoumoun, ce mec. C'est horrible. Pauvre Ben, pauvre Benou. Donc bah, ça a un peu fait débat sur l'internet ce dernier mois. C'est bah, l'histoire que Ben Affleck a quitté la réalisation de The Ouais, Batman, à donc le mon film avis, qu'il devait réaliser. ils nous la jouent à la, enfin, ils nous la font à la Catherine Laborde. Hein. Catherine Laborde a fait genre à part. Oui, on cite les grands. Hein. Elle fait genre à part, mais c'est quand même TF1 qui l'avait poussée. Je pense que là, c'est la Warner qui l'a un peu mis à la porte. Parce que Live by Night Ouais. n'a pas marché, parce que Batman vs Superman n'a pas été apprécié. Donc, et puis même lui, je suis le pauvre, quoi. C'est fou. C'est ça de Ah, Fleck. mais il va y rentrer en déprime. Hein. Il va revenir avec Daredevil, il va rebooter Daredevil, vous allez rien comprendre les gens, vous allez voir, vous l'aurez bien mérité. Non, surtout qu'il y a une super série sur Netflix, il faudrait pas faire ça. Bah, il va rebooter la série Daredevil Avec lui-même. avec lui-même, Charlie Cox va se faire tège. Il va refoutre du Evanescence à fond et vous allez pleurer. Donc voilà, Ben Affleck qui a quitté. Enfin après, il a dit oui, c'est parce que le rôle de Batman est exigeant et que je ne me sentais pas les épaules de réaliser le film et de jouer dedans en même temps. Ça a l'air d'être un truc Oui, un c'est un peu ouais, prétexte, quoi. c'est un Parce que Ben petit Affleck s'est prétexte déjà fait tourner lui, bah, la preuve dans son dernier film, voilà, dans Argo, enfin Argo. ouais. Moi, je Voilà, pense que voilà, je pense que. et sachant qu'il scénarise et il produit le film en même temps, il scénarise avec Jeff Jones aussi, donc voilà. Et pour finir la news, après je te laisse parler. C'est Matt Reeves qui a pris la suite en tant que réalisateur, et donc Matt Reeves qu'on connaît pour Cloverfield et pour la planète des singes d'affrontement, ainsi que le prochain, la planète des singes, le. Je sais plus quoi, la guerre, ou je sais plus le nom français. Ah, l'affrontement. Suprématie, Suprématie. Voilà, le prochain Ah, le prochain, c'est. qui sort 2 août. Donc, la planète des singes, l'affrontement, et la planète des sages, Suprématie. Donc, c'est Matt Reeves qui les a réalisés. Et il va réaliser The Batman, le film solo avec Batman. Donc, voilà. Qu'en penses-tu? Avant toute chose, je voudrais faire une petite confession. Je parlais d'Ardeville tout à l'heure, avec Evanescence, tout ça, mais je dois reconnaître que c'est un petit plaisir coupable. Tout de même, Daredevil. Voilà, j'aime un petit peu. Et j'ai envie de faire Toi un aussi. mea Ah, culpa, Axel aussi, exactement, voilà. c'est aussi un plaisir coupable. Voilà, la Team Movie Nerd soutient Daredevil. Voilà, Voilà. on va On réhabiliter ce film réhabilite Daredevil parce qu'il y a comme du. le chef-d'œuvre qu'il est. Mais oui, il y a du. Mais Non, mais la scène où Elektra s'entraîne sur du Evanescence, c'est magnifique. Mais moi, j'étais en pleine période Spider-Man et quand je voyais ça, j'étais complètement. Mais c'était dingue. La bande-annonce est tellement bien. Relever le défi. Ouais. Oh là, c'était trop bien. Et même Colin Farrell était Colin Farrell, et même le costume. En plus, le costume du film Daredevil est meilleur que le costume de celui de la série. Que celui de la série. Ah, je trouve que le costume a plus de classe. Pardon. J'irai pas jusque-là. Ah. Bon, je trouve sympa le costume du film, mais je trouve mieux dans la série. Bah, vous voyez, quand je fais des révélations comme ça, j'ai tendance un peu à exagérer. Déjà, bon, vous savez que j'éprouve un petit amour pour le film Daredevil, donc je vais pas trop en faire, voilà. Bon. Voilà, vous savez qu'on a tous les deux un amour pour le film Daredevil. C'est déjà pas mal d'informations à prendre en compte. Et là, du coup, quand on va parler DC, on va dire mais normal que tu peux pas aimer DC, t'aimes bien Daredevil, toi. Donc voilà. Voilà, comme ça, vous pouvez nous dire bah qu'est-ce que vous parlez, vous aimez Daredevil. Mais bon, je n'aime pas Elektra, hein, attention, je n'aime pas ceci. Ah non, non, on pousse pas le vice. On peut pas aimer Elektra, ça on peut pas. Pour ce qui est de. Après, c'est possible de l'aimer, on sait jamais, il y a toujours des gens qui aiment des films. Oui. Mais personnellement, moi, je pousse pas le vice jusque là. Voilà. Donc Matt Reeves. Matt Reeves, donc que j'aime beaucoup en tant que, enfin, en tout cas sur Cloverfield, je trouve que Cloverfield c'est un film magnifique. Maintenant sur La Planète des Singes, l'affrontement, c'est un film qui m'avait beaucoup déçu par rapport au premier parce que je trouvais que il manquait une densité dramatique qui faisait que, par contre, visuellement, c'était une grosse tuerie. Donc pour ça, je trouve qu'on peut y faire confiance. Mais quand même, derrière tout ça, même si le nom du réalisateur n'est pas mauvais, il y a quand même une inquiétude à avoir. À savoir qu'encore une fois, DC jette... Il y a Anguille Souroche, voilà. C'est dommage. Alors je pense, comme je l'ai dit, que le non-succès, l'échec même, hein, disons-le, de Live by Night. Et le manque d'enthousiasme global pour Batman vs Superman fait que Ben Affleck a peut-être été poussé vers la sortie et en parallèle a sûrement été démotivé pour le faire, ce qui est compréhensible. D'ailleurs, il y a une rumeur qui dit quand même qu'il pourrait s'en aller du rôle. Jamais... Bon, ça c'est vraiment une rumeur, on peut pas... Alors, on peut pas le dire, vraiment mais si jamais ça se fait, si jamais il s'en va, là, je suis désolé, mais on peut dire que DC est mort, clairement. Il peut pas, enfin, je pense qu'il est sous contrat là, de base, mais ce serait très difficile. Ce serait compliqué quand même. Ils vont rappeler George Clooney qui avait fait Batman et Robin, et là vous allez encore plus chialer. Et Batman et Robin, que j'aime un petit peu aussi. Oh non, j'aime bien Batman et Robin. Celui-là, j'ai un peu de mal. Ah, bah celui-là, c'est gros kiff de jeunesse. Hein. Donc. Bon, c'est dommage, encore une fois, DC... Ils vont rappeler Val Kilmer, tu sais. Oh, Val Kilmer, c'est horrible, ça, attends, franchement. Et donc, sur Batman, sur The Batman, voilà, j'ai peur de... Le nom de Ben Affleck, pour moi, c'était une valeur sûre, clairement, en termes de réal, même si son dernier film n'est pas son meilleur, mais il était quand même bourré de qualité, hein, mais il n'a pas rencontré son public, et c'est dommage, donc... Et j'ai peur, même qu'en tant que réalisateur Ben Affleck devienne parce que avec Argo qui était quand même sa consécration, on en avait parlé dans le dernier podcast, c'était quand même, il était voué à une grande carrière et là j'ai peur qu'en fait ça soit sur le déclin, qu'il reparte en arrière quoi, qu'il revienne vers l'époque dans le bashing à la Pearl Harbor et compagnie. C'est vraiment dommage parce que David Fincher petite avait... Petite confession, autant qu'on y est. Ah, t'aimes Pearl Harbor aussi? Oh, bon, voilà, donc on arrête, c'est bon. Comme ça, tout est dit. Bon. Armageddon aussi? Bon, ouais, vite fait. Ah, vite fait. Ouais. Ah, vite fait. Ah quoi, là, c'est là, pas... là là là. Ah, Pearl Harbor, je te suis pas, je suis désolé. Mais là, sur Michael Bay, je te laisse avec lui, t'en fais ce que tu veux. Alors là. Mais donc, c'est dommage. Ouais. Sa notoriété et sa convoitise, parce que c'est vrai que Ben Affleck, surtout avec Gone Girl d'ailleurs, bon, ses réalisations ont plu, mais en tout cas, même en tant qu'acteur, tous ceux qui ont vu Gone Girl étaient dingues de lui. Hein. Moi, le premier, quand j'ai vu Gone Girl, on voit Gone Girl, on se dit putain, mec, c'est un grand acteur. Et là, j'ai peur qu'il soit démotivé. Je m'inquiète même pour lui personnellement, d'un point de vue moral. Ça doit être horrible à vivre. Horrible. Après, sur Matrice, bon, bah, on verra ce qu'il va faire, mais. Voilà, malheureusement. Ouais. Pour moi, dès l'instant où on remplace un réalisateur, c'est très suspect. Oui, c'est vrai. Moi, je pense aux gens qui sont en train d'écouter et qui vont plus du tout nous prendre au sérieux. Ils vont plus nous prendre au sérieux. Ils vont se dire putain, Morgan qui aime Batman et Robin, qui aime Daredevil. Voilà. On va peut-être faire une confession. Est-ce que l'un de nous deux aime Catwoman? Histoire de nous achever? Non, Non, moi non. non plus. Voilà. On ne peut pas. Même quand j'étais petit, que j'étais en pleine période Spider-Man, j'ai pas aimé. Donc, Et je crois que ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a une personne, pendant qu'on enregistre le podcast, nous écoute. Et je crois que cette personne-là, qui est un ami à moi, qui s'appelle Jordan, je crois qu'il aime Catwoman. Il me semble qu'il aime. ça dénonce. Ouais. Ah oui, il m'écrit. Il adore Pearl Harbor, il adore Daredevil, Catwoman, tout ça. Je crois qu'il aime bien. Il dit qu'il est drôle, Catwoman. Et il adore. Ouais, D'accord. il Non, confine, il adore. Catwoman, Pitof, ça Pitof. va pas du tout, Ah non. ouais. Donc, pour revenir à The Batman, bah moi, par exemple, Matt Reeves, alors j'ai pas vu Cloverfield, toujours pas, il faut absolument que je le voie. Il faut que je le voie pour voir les deux Cloverfield, c'est vraiment aussi. bien, Ouais. franchement. Mais moi, j'ai beaucoup aimé son Planète des Singes, l'affrontement. Ouais, j'ai. Enfin, Visuellement, contrairement c'était à. magnifique, Ouais. putain. Visuellement et même au niveau moi j'ai trouvé tout enfin mais vraiment aussi bien que le 1 mais Ah ouais? enfin Je l'avais vu, j'ai j'étais passé un fatigué aussi cette bon moment journée-là, que donc ça. devant le 1 en fait Je l'avais vu fatigué, je me souviens. J'avais un petit peu, voilà, je sortais d'une journée un peu longue. Et c'est vrai que, bon, quand on va voir un film comme ça fatigué, c'est un peu c'est dur un ouais peu dur, ouais. Mais je le reverrai, de toute ouais façon, vu que le 3 va sortir, je me referai le 1 et le oui 2, ce qu'on fait. Mais franchement, ouais, l'affrontement, moi j'ai passé un super moment. Émotionnellement, il y avait de l'action, enfin il y avait plein de trucs, je trouve, très très sympathiques. Et visuellement, bien sûr, ça claque. Enfin, Ah ouais, t'as jamais vu ça au cinéma, visuellement quoi. tellement Et top. celui qui va venir, ça va être encore plus la claque. Mmh. Donc voilà. Donc moi, je suis assez confiant en Matt Reeves. Par contre, le projet en lui-même, j'ai un peu de mal. Bon. C'est Ben Affleck et Jeff Jones qui scénarisent, donc déjà, ça c'est une bonne nouvelle aussi. Faut lister les bonnes nouvelles quand même, Oui, parce qu'il y oui, en il y a a, parce qu'il il y en a. Après, Ben Affleck dit qu'il va rester quand même dans le projet, mais bon, le fait déjà qu'il renonce à réaliser le film, pour moi, c'est quand même beaucoup. C'est Ouais. énorme, quoi, de... Oui, bah oui. Voilà. Surtout que je pense que ça devait être dans son contrat que s'il acceptait de faire Batman, qui puisse avoir le droit de réaliser un film, j'imagine que ça devait être dans le contrat. Voilà, je pense que c'est une grande déception pour lui et pour tout le monde. Mais voilà, j'ai quand même peur au niveau du projet, mais je peux pas non plus totalement perdre espoir vu les personnes qui sont impliquées derrière. Il y a quand même de la qualité. Il y a des personnes qui ont fait du bon boulot derrière, donc voilà, c'est pas comme si ils nous filaient un tâcheron en réalisateur et que Ben Affleck se barrait complètement. Là, j'y croirais vraiment plus du tout, Ouais. mais pour l'instant, il y a toujours des raisons d'espérer. Voilà. Donc, on va passer à un autre, enfin un autre reboot. Un C'est celui de. reboot où on peut avoir un peu confiance. Ouais. Un reboot de la saga. Enfin, plus. Déjà, on va faire un film. Après, on verra. Voilà. Un film Dune. Donc, le film qui était réalisé à la base. Qui était d'abord. Et le premier film s'appelle Dune et le deuxième film s'appellera Deux. D'une, deux, trois, quatre. Voilà, c'est fait. Bon, je retourne manger mes madeleines. J'ai honte de rire à ces blagues, Ah. c'est vraiment. Non, mais bon, voilà. Ben oui, écoute. Non, mais donc, Dune, pour revenir au truc, c'est un film qui est sorti en 1984, réalisé par David Lynch, qui était adapté de la saga littéraire de Frank Herbert, la géniale saga littéraire de Frank Herbert, que j'adore. Et il y a eu aussi deux séries télévisées, donc Dune en 2000 et Les Enfants de Dune en 2003. Dans les années 70, il y avait aussi le cinéaste Alejandro Jodorowsky, que j'adore, qui devait faire un film sur Dune, mais qui n'a jamais abouti. Mais par contre, il y a eu un super documentaire, Ouais. Alejandro's Dune. Non, Chodorowski's Dune. Chodorowski's Ouais, Dune, ouais. Jodorowsky's Dune, qui était sorti l'année dernière et que je vous conseille si vous voulez en savoir plus sur ce projet, parce que ça avait l'air d'être complètement dingue et ça devait être un truc de malade. Et qui ne s'est pas fait malheureusement. Mais voilà, maintenant il y a un reboot qui est en préparation et c'est confirmé. C'est le réalisateur Denis Denis Villeneuve. Villeneuve qui va réaliser le film. Donc Denis Villeneuve, Premier Contact, Sicario. Sicario, Ennemi et voilà, et l'excellent Ennemi, prisonnier. voilà, Voilà. Prisoners. Et Blade Runner 2049, Ah oui, Blade Runner, mais bien sûr. qui sortira cette année, il me semble. Oui, ça Bah arrive, oui, oui. il sort cette Il sort année. cette année. Donc on verra bien ce que ça donne ça aussi. Mais donc Denis Villeneuve qui n'arrête pas de s'attaquer à des trucs assez gigantesques. Oui, c'est vrai. Quand j'ai entendu ça par Denis Villeneuve, j'étais pas, enfin, c'était pas non plus. Je trouvais ça sympa, mais j'étais pas non plus en grosse attente. Et après, j'ai vu Premier Contact et je me suis dit, ok, si, Oui, il si, y il a peut le beaucoup de faire. personnes qui étaient sceptiques, dont la personne qui nous écoute en ce moment, qui a détesté Sicario et n'a pas aimé Prisoners du tout, je le dénonce. Hein. Ah, non, ouais. Mais Ça, attention, par contre. vous avez vu les gens? Il aime Catwoman et il aime pas Sicario. Et, vous voyez, je choisis bien mes amis, hein, vous voyez? Il a vu Premier Enfoiré. Contact il y a 2 jours et il a adoré, quoi. Du coup, Ouais. il est un peu Non, plus Premier confiant pour Contact. Blade Runner, même s'il comprend pas trop l'utilité. Moi non plus d'ailleurs, hein, autant Blade Runner, je suis un Non, peu mais moi non sceptique plus, sur hein. Blade l'utilité. Runner, je comprends pas l'utilité de la suite. Mais Parce que. un projet comme Voilà, c'est. Dune, ça peut être jouable, hein, pour lui. Ouais. Voilà. Mais j'ai pas vu le film de David Lynch, donc je ne sais pas du Moi tout. non Mais il plus. y en a Je qui n'ai l'aiment pas pas, vu le hein. film. Il y en a beaucoup qui adorent David Ouais. Lynch, qui n'aiment pas vraiment Dune, hein. Moi j'aime Dune, j'aime David Lynch, et je n'ai pas vu le film, donc je le verrai sûrement avant de voir celui de Denis Villeneuve. De toute façon, on a le temps, puisque c'est même pas. Enfin, c'est juste. Ils viennent juste d'annoncer le réalisateur, hein, ça, y a rien de fait pour l'instant. Mais voilà, je suis assez confiant que. Donc, c'est Legendary Pictures qui va faire le film, Ouais, Legendary, oui, il laisse quand et. même la liberté artistique, ça c'est bien. Et apparemment ils sont contents parce que si le premier film fonctionne, ils pourront en faire voilà encore un truc, une série télé et des nouveaux, Bon. ils veulent faire un univers à partir de Dune, Un univers. voilà, Et ben, ils ont trop de, encore. voilà, ils ont trop la folie des grandeurs. Plutôt de se Mais contenter sur un film, ils veulent déjà faire une série à part. donc voilà, moi déjà le film je suis confiant. Voilà, j'aime beaucoup l'univers, c'est quelque chose qui me plaît, et je trouve que ça pourrait être très sympa en 2017 ou 2018, je sais pas comment ça va sortir, enfin ça va sortir sûrement en 2019 j'imagine, que de voir cet univers sur grand écran, ça pourrait être très sympa avec les technologies d'aujourd'hui. Donc voilà, après peut-être pas trop d'effets spéciaux, enfin pas trop d'effets numériques, ça pourrait être sympa aussi, mais voilà, toi tu... Bah, honnêtement, n'ayant pas vu Dune, ne connaissant même pas de quoi ça parle, je ne sais pas du tout. Donc je suis un peu sans avis, mais Denis Villeneuve, j'aime beaucoup ce réalisateur et il prouve, même si je déteste Ennemi, pour moi Ennemi est un très mauvais film, extrêmement lourdingue. J'aime beaucoup Ah, l'ennemi. j'aime pas du tout. J'ai trouvé que c'est vraiment le scénario très très simple et enfin, c'est un film qui complexifie tout pour rien du tout. Par contre, j'adore Prisoner. J'aime beaucoup Sicario. Je sais qu'Axel, tu n'aimes pas non plus. Non, je n'aime T'as pas. pas aimé, voilà. Mais Premier Contact quand même. Voilà. Ami quand Oui, même, voilà. tout le monde d'accord. Premier contact et ennemi et Prisoners, on est d'accord. Voilà. Mais voilà. Donc voilà. Mais donc du coup, j'irai parce que Denis Villeneuve, mais en tant que fan de David Lynch, même si j'ai pas vu tous ses films, il va peut-être falloir que je rattrape ça. Ouais. Donc voilà, Et pourquoi pas. Ça aurait pu être pire, on aurait pu avoir David Ayer. ah oui. Et paf! Allez, prends ça. David d'ailleurs, on va en parler un petit peu aussi après. Là non, moi je suis déjà content que Denis Villeneuve fasse ce film, et aussi je suis content de voir un peu de science-fiction un peu plus un grand budget ressortir sur le grand écran. Ça fait plaisir parce que ces dernières années, je pense que c'est Star Wars qui a vraiment tout remis en cause. La sortie du Réveil de la Force. Qui a vraiment tout remis en cause, et ils se sont dit, ouais, la science-fiction, ça peut. Enfin, Star Wars, la science-fiction, voilà, il y a un débat, on sait pas. Mais voilà, ça peut fonctionner, ça peut marcher, donc voilà. Oh, je dirais même Interstellar, hein. La science-fiction, ça Ouais, mais plaît. Hein. Interstellar, c'est pas. Ah, Ouais, Interstellar, si, c'est de la c'est. SF quand même. Bon, Ouais. un peu plus, comment dire, c'est de la SF Technologique, anticipation, voilà, ouais, voilà, c'est plus la 2001 SF que. pure au sens où on l'entend. C'est vrai que Star Ouais. Wars, enfin voilà. Oui, c'est plus de la science-fiction fantastique. Voilà. Mais voilà, Dune par Denis Villeneuve, ça peut être cool. On verra bien. On n'en sait pas grand-chose pour l'instant, à part que c'est lui qui va réaliser. On passe maintenant à un truc qui me fait peur, qui me fait pleurer Oh oui, la nuit. tu peux Qui me fait pleurer. Tu peux pleurer sur Déjà, cette nouvelle. Déjà, Oui. je n'ai pas vu le nouveau film qui est sorti, donc on va parler de La Grande Aventure Lego 2 tout de suite, mais Oui. je n'ai pas vu Lego Batman. Puisque malheureusement, il ne sort pas chez moi, et Morgan l'a vu et il l'a pas aimé, Non, pas du tout même. on en parlera dans le prochain Movies Nerd, j'imagine. Mais en attendant, voilà, moi je pourrais pas voir Lego Batman, donc je pourrais pas dire si Morgan a raison ou pas dans le prochain podcast. Mais en tout cas, on parle de la grande aventure Lego 2 et que ils ont dégagé leur réalisateur d'avant qui était Rob Schraub, pardon, oh là là, qui était quelqu'un qui avait travaillé sur des séries comme Community, etc. Enfin, des trucs bien, voilà, des trucs bien. Et ils ont engagé Mike Mitchell. Alors, si vous ne connaissez pas, je vais vous raconter quelques petits films qu'il a fait. Oui, les films de Donc, Mike Mitchell, parlons-en. alors, Shrek 4, Shrek Alvin et les Chipmunks 3. 3, Bob l'éponge, le film Un héros sort de l'eau, donc celui qui est sorti en 2015. Et les trolls, voilà. Et il va réaliser La Grande Aventure Lego 2. Voilà. Voilà. Donc, Exit. Enfin, bon, c'est toujours Phil Lord et Christopher Miller qui sont à la production. Oh, donc ils vont Mais rien bon. foutre, comme James Wan avec sur Annabelle, il était à la production, le mec Ouais. il est juste venu voir si tous les acteurs venaient tourner et C'est qu'il n'y en ça. a pas un qui s'était mis en congé maladie, tu vois. Il a fait OK, je repars sur Conjuring 2 moi. Et c'est C'est ça, ça, et c'est le ça. producteur, c'est vraiment voilà. Ouais, ça dépend. Il y a différents degrés d'implication quand t'es producteur, j'imagine. Mais voilà. Ils ont par contre signé une première version du scénario, mais qui est en réécriture par un mec qui s'appelle Raphaël Bob Waksberg. Voilà, je ne connais pas cette personne. Voilà, donc le film La Grande Aventure Lego 2 sortira le 13 février 2019. Donc on attend de le voir venir, mais ça fait quand même un petit peu peur vu le pédigré de Mike Mitchell. Voilà, franchement, je suis pas du tout confiant. J'adore la grande. On est tous les deux à adorer la grande aventure Lego. Ah oui. Ah, Et et là. surtout, surtout que la grande aventure Lego, personne ne s'attendait à ça. Tout le monde, et j'avais vu un La dossier sur... grosse, Oui, bon, grosse j'avoue, surprise. je regarde un peu les dossiers sur Combini. Les films, Oh, on le pensait que ça bobo. allait être nul, et en fait, c'était génial. Et la grande aventure Lego, c'est vrai que on était là, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec les Lego? Ils ont plus d'imagination. Et quand j'ai vu le film, Ouais. mais j'ai chialé devant ce film, quoi. Bah oui, on était. Ouais. C'était vraiment une des grosses surprises de l'année 2014, si ce n'est la plus grosse. Donc voilà, La Grande Aventure Lego 2, Mike Mitchell. Je crois qu'on a peut-être tout dit, non? Voilà. Le silence suffit Hey, le problème, comme il est là. réponse. Ouais. Non, mais c'est vraiment, je trouve ça. Alors, on va pas cracher sur le film Non, avant. non, c'est pas ça, mais c'est vrai qu'on peut. On a, Mais au bout d'un moment, on a après. été tellement. Enfin, moi, personnellement, j'étais bouleversé par la grande aventure Lego. On en arrivait là, parce que Ouais. c'était beaucoup plus qu'un film pour enfants, mais c'était le Toy C'était Story très très subtil, moderne, ouais. d'une subtilité incroyable au niveau des dialogues. C'était merveilleux. Et là, on se retrouve avec quand même le réalisateur d'Alvin et Chipmunks 3, de Shrek 4, mais on peut commencer à faire pipi dans notre pantalon, parce que là, honnêtement, ça sent pas bon. Mais faut le dire. Ouais. Au bout d'un moment, Ouais. on peut pas se voiler la face, quoi. Et ayant vu Lego Batman, que je trouve mauvais, alors, attention, on va encore dire que j'aime pas DC Comics, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, le piège était là. Batman, qui était le meilleur personnage de la grande aventure Lego, mais dans le film où il est le En rôle, secondaire, un voilà, en personnage secondaire, secondaire, au final, bah, syndrome le monde de Dory, quoi. C'est-à-dire que Dory, en tant que personnage principal, c'était moins bon. Non, j'ai pas dit que le film était pas bon, j'ai dit que c'était moins bon que le monde de Nemo. Là, c'est pareil, Lego Batman, c'est pas que c'est moins bon, c'est que c'est pas bon. Donc, ouais, parce que moi les je. dialogues, c'était beaucoup plus au forceps pour souffler, les références à foison. Et au final, si les références glissaient subtilement dans le film de Lord et Miller marchaient, c'est parce que c'était pas que ça. C'est parce qu'il y avait autre chose derrière. Et il y avait un twist quand même à la fin de La Grande Aventure Lego qui rendait le film, qui faisait passer le film au-dessus. On passait d'un film d'animation génial, rythmé, à un film sur l'enfance, sur ce qu'on fait de. Enfin voilà, ce qu'on devient une fois qu'on est adulte, notre part d'enfance, etc. Ils avaient compris quand même. C'est pour ça que je compare à Toy Story, le 3 surtout. Et ben là, non, avec un réalisateur comme ça, je peux pas attendre ça, quoi. Et c'est Voilà, c'est un peu comme Kick-Ass à l'époque, quoi. Matthew Vaughn, oh bah le 1 top, et le 2, bon bah voilà, ça a donné ce que ça a donné. Au bout d'un moment, un réalisateur, je comprends pas pourquoi ils l'ont pas fait. Enfin, je comprends pas, ils auraient dû les garder, ils auraient dû. Bah oui. C'est dommage, quoi. C'est vraiment dommage. Moi, je comprends pas pourquoi ils réalisent pas leur propre film, quoi. C'est le propre truc qu'ils ont commencé. Ils l'ont bien fait, ils l'ont bien commencé. Pourquoi ils ne le font, ils ne continuent pas? Surtout que, enfin, je pense qu'il y a encore des milliards de choses à faire avec les Lego. Enfin, c'est limité tout ce que tu peux faire avec cet univers. Donc, moi, je vois pas pourquoi ils vont chercher Mike Mitchell. Mike Mitchell, quoi, putain. Du fin fond de DreamWorks, mais c'est vraiment le tâcheron de DreamWorks, hein, mais enfin, après j'ai pas vu les Trolls, donc je peux pas Non, j'ai pas vu les m'avancer, trolls non plus, j'ai pas. Mais il paraît que c'était horrible. mais apparemment c'est horrible. Et voilà, de toute façon la bande-annonce en disait long sur le film. Donc voilà, j'ai vraiment du mal avec cette news, et j'espère. Je prie tous les dieux possibles et imaginables qui changent d'avis et qui soit ils réalisent le film, soit ils prennent un bon réalisateur. Voilà, c'est plus simple que ça. Voilà, on verra bien ce que ça donnera, mais pas du tout confiant. On passe ensuite à un reboot d'un reboot ou d'un remake, comme vous Le voulez. remake d'un remake, ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça, le remake d'un remake. On parlait déjà du remake de Scarface qui devait être réalisé par Antoine Fuqua. On en avait parlé, je crois, en septembre. Et finalement, Antoine Fuqua est parti. Antoine Fuqua et pas John. Antoine Fuqua. Oui. du film. Il est parti du film pour réaliser Equalizer 2. Voilà. Et pour l'instant. En ce moment, on n'est pas vraiment sûr, mais les gens qui sont peut-être prévus comme réalisateurs, c'est peut-être David Mackenzie, donc Comancheria, ou Peter Berg, qui a fait Hancock ou Du sang et des larmes. Voilà. Oui, il me Oui, semble que c'est c'est ça, ça. oui. Ouais. Et récemment, Deep Water, c'est ça, je cherchais. Ah oui, d'accord. Qui était pas. Ouais. voilà, ça s'annonce bien, non? Donc voilà, mais c'est pas vraiment ça. Donc pour l'instant, ils n'ont pas de réalisateur, mais le scénario qui, alors attention, est déjà passé entre les mains de David Ayer en 2011, ensuite Paul Attanasio, Jonathan Herman et Terrence Winter, donc le mec qui a fait Les Sopranos. Donc il est passé par quatre personnes et Universal a demandé aux frères Cohen de Rien que ça. polir un peu. Ah, ouais, voilà. Ils les ont appelés. Ouais, vous pouvez pas vite regarder un peu notre scénario et faire quelque chose avec, parce que c'est. Il y a un réalisateur qui vient de se barrer. donc, ils vont polir un peu le scénario du remake de Scarface. Et ils ont aussi engagé un acteur principal, donc Diego Luna, qui Oh, quelle sera. horreur! Oh, je l'aime pas. Pardon, je suis désolé. Ah, Qui Diego sera. Luna, c'est celui qui joue dans Rogue One, c'est ça? Il me Oui, il semble, joue je dans sais Rogue One. pas. Oui. Ah, je le trouve tellement fade. Mais vraiment. Oh, pardon. Oui, il joue dans Rogue Il joue dans Rogue One. One, c'est ça. Ah, il a joué dans La Légende de Manolo. Il est très. Je le trouve fade. Je trouvais qu'il était D'accord. pas. Bon, après, c'est moi, hein, c'est mon avis. Bah oui, mais bon. Croyez-le ou pas, je n'ai toujours pas vu Rogue One. Voilà, un grand fan de Star Wars qui ne voit pas Rogue One. Mais non, mais voilà, donc Scarface, donc Diego Luna interprétera Tony Montana, et cette fois-ci ce sera sur l'ascension d'un immigré mexicain dans la pègre de Los Angeles. Un film pour Donald Donc Trump, donc. Hein. voilà, sachant que bah, le film de Brian De Palma était sur un immigré cubain à Miami, donc en fait il change à chaque fois Sancho. par rapport. Enfin, c'est toujours la même histoire, mais sauf qu'il change d'univers et de milieu social. Sancho le cubain. Chiquibou. Vas-y, tu peux continuer. Alors, la référence à The Mask, quoi. Mais. Bon. Et le film sortira normalement le 10 août, pardon, 2018. Donc voilà. Alors, moi, comme je l'avais dit, le remake de Scarface, le remake de Scarface. Ça me tente pas vraiment, surtout vu le nombre de mains dans qui, enfin, le nombre de mains qui ont touché au scénario. Surtout le réalisateur qui se barre. Bon, Diego Luna, j'ai pas vraiment vu ses talents d'acteur, donc je ne peux pas juger là-dessus. Mais les frères Cohen, comme ça, sur un petit Scarface, eh ben, ça me plaît plutôt pas mal. Oui, puis on sait qu'ils sont Après. très bons pour les. On a vu par exemple avec le Spielberg, Oui. le Pont des De Espions, voilà. juste faire un scénario, ils sont très très Voilà, très capables de exactement. le faire sans problème, faire un bon petit scénario bien, enfin voilà, bien fait, bien écrit, etc. Ça peut être vraiment sympathique. Et là, du coup, le projet me tente beaucoup plus. Après, faut voir ce qu'ils vont faire au scénario, hein, parce que s'ils n'ont pas vraiment le droit d'y retoucher complètement, etc. Ou s'ils peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent dessus. C'est un peu naze, mais voilà, au moins il y a des gens compétents qui vont toucher au scénario, et on verra bien ce que ça donnera. Mais moi je suis un petit peu plus confiant, même si bon, alors on n'a toujours pas de réalisateur, et l'acteur, moi je le connais pas, donc je peux pas vraiment juger. Toi, tu... J'ai pas vu le film de De Palma, j'ai pas le vu, enfin voilà, Howard Hawks, ouais. voilà, donc un projet auquel je m'en fous vraiment, ça m'intéresse pas, c'est dommage parce que bon, Antoine Fouqua, je suis pas un gros fan, mais je trouve qu'il fait quand même plutôt des films sympas, hein. Moi j'ai bien aimé, Ouais, mais il s'est barré. oui voilà, bah oui c'est dommage justement, c'est pour ça, Ouais. ça aurait été Antoine Fouqua, j'aurais peut-être, je serais dit pourquoi pas, là c'est même pas pourquoi pas, c'est que ça m'attriste Tu pas en t'en fait. fiches, ouais. Voilà. Ouais. Ouais, mais moi, je suis juste désolé qu'il y a un remake de Scarface, c'est tout. Mais bon, on verra bien ce que ça donnera. Voilà, et on passe à la dernière news. C'est encore quelque chose qui est vraiment désolant. Donc il y a un remake américain de The Raid qui est prévu, et c'est En même Joe temps qu'un remake américain du dernier train pour Busan. voilà, Voilà. bon, c'est pas on n'est pas la première, hein, on n'est pas la dernière non plus. Évidemment. Ce sera Joe Carnahan qui réalisera le film, et il a notamment réalisé Territoire des loups et Narc. Voilà. Territoire des loups que je trouve, enfin, je l'avais vu au cinéma et il y a quand même le film est mis sur un piédestal qui moi me dépasse un petit peu. Je le trouve très, Ah oui, moi je le ouais. trouve. Enfin, il est sympa, mais c'est pas non plus un truc. Ouais, j'ai Enfin. pas été transcendé par le film. Alors je le revois aussi. Ouais, ça fait longtemps. Hein. Parce que je pense que c'est un film à la manière de Gravity, c'était pas vrai. Un film aussi sur les conditions de l'humain, etc. Donc peut-être qu'il y avait cette dimension-là qui m'avait échappé lors de mon premier visionnage où je m'attendais peut-être à un survival plus classique. Par contre, en termes de réel, c'était impeccable. J'ai un gros souvenir du plan final qui était assez fou. Ouais. Ouais, donc voilà. Mais bon. Malgré ça, ils vont quand même réaliser un remake de The Raid. The Raid, ouais. Voilà, Franck Griot qui incarnera l'un des rôles principaux, pardon, a dit que ils vont pas, enfin, ils veulent pas vraiment faire un remake, mais plus enfin, ils veulent faire une réadaptation, ils veulent réinventer le film en fait. Alors, je sais pas vraiment ce qu'il veut dire par là, mais bon, on verra bien. Mais moi je suis désolé, mais The Raid, ça reste le film que c'est, enfin, avec toutes ses qualités, au niveau de la réalisation, au niveau de l'action, et en plus le 3 qui va sortir, je sais plus The quand, Raid mais 3, bon, t'es sûr qu'il voilà. est prévu, The Raid 3? Ah oui, je suis Ah quasiment ouais. sûr qu'il est prévu, ouais. Mais voilà, moi je suis beaucoup plus en attente de The Raid 3 Ah bah en 2017. que Ah bah non, en c'est 2000. écrit, non, c'est écrit. Ouais, Non ouais. prévu, Ouais, enfin voilà, prévu, on ouais. n'est pas vraiment sûr quoi. Mais en plus, Gareth Edwards, qui est réalisateur de The Raid, produit le film, le remake américain, et ça, je trouve ça dommage. Enfin, bon, en même temps, il est derrière, donc c'est plutôt. Enfin, ça peut peut-être apporter des bonnes choses, mais moi, je suis vraiment désolé d'entendre qu'il y a un remake américain de The Raid, quoi, parce que c'est vraiment des films géniaux. Mais vraiment, si vous êtes fan de films d'action et que vous n'avez pas vu The Raid, c'est à voir absolument, quoi. Surtout le 2. The Raid 2, il est fabuleux. Ouais, Oh. The Raid 2, mais on n'en sort pas, quoi. Ah ouais, The Raid 2. Non, puis ce qu'on peut dire aussi, c'est que The Raid, le tout premier The Raid, moi, alors, je suis pas foufou du film. J'avais bien aimé, mais il y avait un côté un peu jeu vidéo. Alors, c'est pas du tout péjoratif, mais un côté répétition façon jeu vidéo, c'est-à-dire on montait de niveau. Le film était. Je pense que la démarche du film dans sa construction, c'était ça, et moi, je trouvais qu'au final, ça se répétait un petit peu. Par contre, le 2. M'avait totalement mais surpris, j'y étais allé en me disant bon c'est la suite, j'ai vu le premier, mais je m'étais pas préparé du tout a une telle maîtrise des plans, des références, hein, je veux dire, même au niveau de les combats, les chorégraphies, enfin, je trouvais que le niveau était enfin, tout était, c'était le 1, mais en 1000 fois meilleur, quoi. C'était vraiment la limite, une des meilleures suites de films, enfin, je veux dire, c'est un peu le Terminator, ce qu'était Terminator 2 par rapport au premier, c'est-à-dire, Exactement. vraiment, quoi, c'était fou. Il y avait des scènes poétiques, il y avait du Kill Bill, une petite référence à Star Wars aussi, avec la batte de baseball que Oui. le personnage s'en sert limite comme un sabre laser. Enfin, tout était incroyable dans ce film. Donc j'attends le 3 Et la forcément. fin, la La fin. fin. La fin. Oh, la fin de John Wick 2. Oh. Putain, ce combat dans la cuisine et Le après combat dans la cette cuisine. Ouais. fin. Oh là là, mais. Voilà. Enfin bon, il y a tellement de scènes magiques dans ce film qu'on pourrait même pas Ouais. enfin, tout est magique dans ce film, c'est génial quoi. Mais voilà, un remake américain. Bah, remake américain, le problème, c'est que voilà, remake américain, moi je trouve que ça ne sert pas à grand chose dans la mesure. En plus, Oui. on va pas se mentir, les Asiatiques, enfin, c'est un film indonésien à la base, le sens de la chorégraphie, du combat, le côté très brutal, Ah c'est ouais, ça qui faisait un c'est. peu le charme là, parce que c'est des dingues, hein, ils sautent partout. Oui. Bah ouais, Et enfin c'est pas aussi sécurisé voilà, qu'à c'est pas aussi Hollywood, hein, sécurisé. c'est Eux, ils prennent des vraiment. risques. Eux, quand ils doivent. Ouais. C'est ça, les Asiatiques, je les adore. S'ils doivent sauter d'une fenêtre, ils prennent pas un cascadeur. Ils sautent Ouais. directement. Ils y vont. C'est ça que j'aime aussi. Puis, enfin, Et ouais. Y a pas le. toutes les assurances derrière qui te Voilà. disent, oh, on peut pas faire ça, bah Voilà. non, ça va Cerise coûter de trop Groupama, ils cher. connaissent pas du tout. Hein. Je connaissent Voilà, pas. c'est ça. C'est Mais. ça. Ils s'en foutent, ils font le film Ils font. et c'est enfin voilà, c'est Ils se vraiment. mettent vraiment, ils se donnent Ouais. corps et âme pour. Et même dans le dynamisme, quoi. Parce que non seulement les chorégraphies étaient bien, mais il y avait un certain dynamisme. Et j'ai peur qu'on ne le retrouve pas, malgré Joe Carnahan, qui n'est pas un mauvais réalisateur. Non, bah Mais non. je le un Vraiment. film comme ça, pour moi, ça doit quand même rester. Enfin, je trouve la culture asiatique avec ce genre de film. Enfin, voilà, c'est un film Ouais. fait pour les Asiatiques et peut-être pas un film fait pour les Américains. Et j'ai Oui, peur et d'ailleurs d'un bah. côté PG-13, vraiment le truc à la Oui, ah Expendables oui, 3 très complètement. édulcoré. Bah, Voilà. moi, je sens que ça va être du genre les films de Jackie Chan, Oui, les films de bah, Jackie Chan. voilà, Sans fait aux l'humour, États-Unis. quoi, voilà. Enfin, voilà, c'est ça en fait. Ou comme c'était à Hong Kong, enfin, c'est comme quand il est allé aux États-Unis, quoi, pour Jackie Chan dans le Bronx ou des trucs comme ça. Ouais, le smoking. C'est pas des mauvais films en soi, mais par rapport à ce qu'il faisait et par rapport aux libertés qu'il avait à Hong Kong, bah, il est quand même beaucoup extrêmement restreint. Aux États-Unis et je pense que ça va être la même chose pour ça, sachant que Joe Carnahan est quand même en train de préparer le film Bad Boys for Life, donc le troisième Bad Boys. Il vient en plus d'écrire le scénario du remake d'Injustice dans la ville et il travaille à l'adaptation du jeu vidéo Uncharted. Uncharted. Ah oui, Donc, Uncharted, oui. Je pensais que ouais, ça avait été annulé l'adaptation. non, apparemment c'est toujours en cours. Donc voilà, il est quand même assez occupé et on verra. Je sais pas. Comment il va pouvoir gérer de faire un remake de The Raid en plus de tout ça, on verra bien. En tout cas, moi, enfin, le remake, je m'en fiche un peu. Ce que j'attends, c'est The Raid 3. The Raid 3, voilà. Ah, mais On tellement, est mais d'accord, The tellement. Raid 3. Ouais. Ça va être épique. Enfin, en tout cas, on l'espère. Mais voilà, si c'est au niveau du deuxième déjà, Ouais. enfin, voilà, ça suffira largement. Voilà. Maintenant, on a fait toutes les news. On va passer aux prédictions des Oscars. Oh, les fameuses. Oui, aux pronostics. Prédictions, pronostics, comme vous voulez. Donc, on va faire les catégories meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur, meilleure actrice et meilleur film d'animation. Parce que voilà, on aime beaucoup l'animation. Donc, voilà. Sachant qu'on va d'abord donner enfin, le film ou la personne qu'on pense qui va gagner le prix. Voilà, nos Et pronostics et ensuite voilà. nos choix personnels, Nos choix ceux qu'on personnels, aimerait voilà. voir primer. Voilà. C'est ça, exactement. On va commencer avec le meilleur film et je vais te laisser pour. Ah, je suis pas pour faire meilleur Ah, film, faudrait faire d'abord meilleur film d'animation. meilleur Voilà. film d'animation? Ouais, faut faire du D'accord. plus petit, enfin du plus petit, Ouais, voilà, on a ok, compris. je vois. Oui, pas de Voilà. souci. Donc, meilleur film d'animation, du coup, On rappelle bah, peut-être les vas-y. nommés du coup. Ah oui, Ce sera. sachant que je ne les ai pas sous la main. Mais je suis en Donc. train de chercher, donc si tu peux meubler en disant, Alors, voilà, ben les Oscars 2017, avec une statuette présentée par... Vas-y, vas-y, ce sera vas-y, présenté par, vas-y. je sais même plus qui, James. Non, c'est pas C'est celui qui bon, a tracasse, c'est présenté. bon, c'est bon, je l'ai. J'ai la liste. C'est pas Ouf, grave. on l'a. On n'arrive pas à meubler. Ouais, je peux, allez, je peux citer la liste des nommés. Oui, Donc vas-y, vas-y. on a donc Zootopie, La Tortue Rouge, Ma Vie de Courgette, Vaiana, la légende du bout du monde, et Kubo et l'armure magique. Ouais. Alors, au niveau de mon pronostic, ce sera Zootopie qui gagnera, c'est sûr. Ouais. Voilà. De toute façon, même malgré Vaiana, voilà, ce sera Zootopie parce que voilà. Mais mon choix personnel, j'aurais aimé quand même. Enfin, j'aurais aimé. Je dis ça comme si que le film, mais c'est évident que ce sera Zootopie. Mais j'aimerais que ce soit Kubo et l'armure magique qui gagnent parce que c'était. Voilà. En plus, c'était les studios. Rappelle-moi, qui a fait ça? Les studios. J'ai un Latika. trou de mémoire. Ouais, Voilà, attends. Ouais, c'est Laika, Laika. Laika, voilà, Latika. Je suis con. Studio Laika. Laika, voilà, qui ont réalisé un film pour enfants, mais pas très, un voyage initiatique d'une noirceur exceptionnelle. Pour moi, c'était vraiment un gros film ambitieux qu'il faudrait récompenser. Au moins, il est nommé, donc il est un peu reconnu quand même. Donc bon, mais Ouais. ce sera Zootopie quand même, et je voudrais Kubo. Ok. Alors moi aussi en tant que pronostic, j'ai mis Zootopie parce que déjà c'est mon film d'animation préféré de l'année dernière. C'est vraiment j'ai pris un pied monumental Zootopie, devant ce film. Vaiana est juste derrière. Enfin non, je crois qu'il y a ouais, il y a Vaiana et puis il y a aussi oui. Ayana. Anomalisa. Ah, Anomalisa, Ouais. j'aurais aimé qu'il soit aussi Mais c'était l'année dernière, plus par que contre. Vaiana d'ailleurs. Parce que justement, il y a déjà un Disney. Bon. Anomalisa était nommé l'année dernière. Ah, l'année dernière, il était nommé. Oui, Ah, bah oui. oui, c'est vrai. Puisqu'il est sorti C'est en vrai. 2015 aux Je États-Unis, n'ai donc rien du coup, dit, c'est voilà. pas grave. C'est pas grave. Non, j'aurais aimé par exemple qu'on nomine le monde de Dory. Ouais, À la limite, bah oui, oui. parce qu'il y a déjà deux Disney quand même, donc bon. Puis bon, Vaiana, c'est peut-être pas mon préféré, je suis désolé. C'est pas Mais. grave, hein. Non, mais la personne qui nous écoute est Attends, très fan vu de comment j'ai Vaiana. défoncé Nocturama la dernière Oui, fois, qui non, peut non, mais dire. la personne qui nous écoute, on va dire son prénom, il s'appelle Jordan, est très fan de Vaiana, il me répète que c'est un D'accord. grand film, donc voilà. Et Oui. je préfère Zootopia à Vaiana, donc. Mais Bah là, moi deux aussi, mais Disney, ça ouais, fait beaucoup quand même. moi aussi. Moi j'aimerais. Alors je pense que c'est Zootopie qui va gagner. Mais alors j'ai pas vu Ma vie de courgette, mais j'aimerais bien que ce soit Kubo, soit Ma vie de courgette, parce que c'est des plus petits films, et même à la limite La Tortue Rouge, parce que c'est des plus petits films, et je trouve que pour Kubo c'est un défi technique monumental. Faire un film de stop motion en 2016, c'est un truc. Enfin, comme ils l'ont fait déjà, c'est juste génial. Même si j'ai pas autant aimé le film que tout le monde, et j'en étais le premier désolé. Mais j'aimerais bien, malgré tout, que ce soit lui qui gagne ou Ma vie de courgette, parce que ça a l'air d'être. Le film me tentait énormément, je n'ai malheureusement pas pu le voir. Donc voilà. Je suis toujours pour les plus petits, en fait. Oui, mais après, voilà, compte tenu d'un certain Parce que contexte politique, ça pourrait Disney, être Ma mais. vie de courgette aussi. Disney, ils s'en fichent un peu de d'avoir un autre. Enfin, ils seront toujours contents C'est d'avoir un comme autre l'année où il Oscar, y avait mais. eu les nouveaux héros qui étaient nommés, qui étaient pas mal, mais il y avait quand Ah, les même le nouveaux conte de la héros. princesse Kaguya. Oui, voilà. On aurait pu Je suis récompenser ça. désolé. Takahata était carrément. Le film de Takahata était carrément meilleur que le. Bah oui, enfin, nouveau héros, c'est vraiment pas le haut du panier chez Disney, clairement pas. Donc voilà. On passe maintenant à meilleure actrice. Si, ouais. Meilleure actrice, ouais, d'accord. Ouais, je fais comme. En fait, je les ai notés Bah, de toute façon, non, on fait dans. que film d'animation, actrice, acteur et film, c'est ça. Et réalisateur. Et réalisateur, voilà. Donc, bah, on va passer à la meilleure actrice. Je Voilà. pense donc que la meilleure Attends, actrice. on a pas dit les nommés. Ah, on n'a pas dit, bah oui, Je le évidemment. fais si tu veux. Bon, je vais le faire, Donc. vas-y, j'aime bien. Ah, ok, bah si tu veux. Alors, on retrouve Meryl Streep pour le rôle dans Florence Foster Jenkins, Emma Stone dans La La Land, Natalie Portman. Dans Jackie, Jackie. Ruth Negga dans Loving et Isabelle Huppert dans Elle. Alors, ça a été compliqué, vraiment Ah très oui, mais c'est compliqué. compliqué. Moi j'avais vraiment du mal là. Je l'ai fini juste quand on avait commencé. Enfin, on n'a pas commencé le podcast, juste avant de commencer le podcast. Et pour meilleure actrice, j'ai vraiment bloqué, quoi, parce que je savais Ouais. pas quoi mettre. Alors, moi honnêtement, j'ai hésité entre Ruth Negga et Emma Stone. En tout cas, dans mes pronostics, je pense que ce sera Emma Stone. Elle est jeune, c'est son année. Ils aiment bien récompenser des, je vais pas dire des petites actrices comme Emma Stone comme une grande, mais une actrice montante. On l'avait vu avec Jennifer Lawrence. D'ailleurs, toi, t'as volé l'Oscar de Jessica Chastain. Je t'en voudrais à vie. Voilà, méchante. Et mais ce sera Emma Stone, même si j'aimerais Isabelle Huppert. En tant que chauvin, parce que voilà, mais surtout parce qu'elle Et est elle, absolument dans elle, ouais. magnifique dans Elle, qui est aussi magnifique. Génial. Voilà, Il est elle est vraiment bien. géniale, Isabelle Huppert est géniale, elle a été bouleversante, parce qu'on on a quand même l'image d'elle d'une femme très froide et ouais, elle est en larmes sur scène. Si elle chope un Oscar, ce sera la folie. On sera fier d'elle, voilà, on sera fou d'elle, voilà. Bah mais oui, ce sera Emma Stone, je pense. Et ce sera mérité, alors, hein, attention. Bah oui, clairement. Donc, moi j'ai eu un peu de mal et j'aime bien aller avec des choix qui ne paraissent pas évidents. Enfin, si, ça peut paraître évident, mais moi je suis allé avec Nathalie Portman. Nathalie Portman, tu crois? Ouais. Moi, je j'ai pas vu le film. Il est génial, mais très bon film. Connaissant un peu l'Académie, je ne les connais pas personnellement, mais vu leur choix, ça peut être possible parce que c'est un biopic, c'est, enfin voilà, il y a des caractéristiques qui plaisent aux gens de gens qui font les choix. Ah, je suis d'accord, mais Nathalie Portman a déjà eu l'Oscar de la meilleure actrice pour Black Swan, donc peut-être qu'elle récidivera pas. Oui, voilà, mais moi j'aime bien avec des trucs qui sont peut-être pas évidents et c'est peut-être possible. Je vais avec Nathalie Portman et on verra bien, même voilà. Celle que j'aimerais qui gagne l'Oscar, j'ai hésité entre Isabelle Huppert et Emma Stone. Bah oui, c'est et comme je savais que t'allais dire Isabelle, j'ai dit Emma Stone parce que voilà, je l'ai trouvée géniale dans La La Land. On en a parlé assez dans le dernier podcast, mais c'est effectivement. Et vous allez voir que dans mes choix, dans mes choix, ça va être très très vite fait. Ça va être très vite fait. Vous avez remarqué que je suis très fan de La La Land. Donc, on passe au meilleur acteur. Meilleur acteur, donc on retrouve Casey Affleck dans Manchester by the Sea, Andrew Garfield dans Tu ne tueras point, Ryan Gosling dans La La Land, Viggo Mortensen dans Captain Fantastic et Denzel Washington dans... Ce qui est assez étonnant. Fences. Ouais. Viggo Mortensen, c'était assez étonnant. Et moi, si vous me suivez sur Facebook, Twitter, vous savez que dans mon top 5 des acteurs de 2016, j'avais mis Viggo Mortensen. Voilà, vous voyez, je fais les choses bien. Et même Andrew Garfield était dedans. Oh, quand même. Oui. Ouais. Pour être académicien, vous voyez. Je pense que ce sera Denzel Washington qui va gagner. Sachant qu'on n'a pas vu le film. On n'a pas vu le film, sorti, hein. Mais ce sera lui, je pense. Ryan Gosling. Il n'a même pas de date de sortie. Ah si, 22 février. Si, 22 février, il sort bientôt. Ouais. Bah, la semaine prochaine. Et j'ai hâte de le voir d'ailleurs. Il a l'air moi excellent. Moi aussi, il a l'air très bien. Ouais. Mais ce sera Denzel Washington. Pourquoi? Parce que Casey Affleck, Nantes, Golden Globe, c'est très bien, trop jeune. Andrew Garfield, ça aurait été pour le Scorsese, je dis pas, mais pour le Gibson. Le Gibson va se faire snobber de toute façon, vous verrez. Ryan Gosling, il le mérite, mais ce sera pas lui parce qu'il y aura Emma Stone et il faudra. Ce sera pas. Je pense qu'ils vont varier les prix comme d'habitude. Donc si Emma Stone a la meilleure actrice, ce sera pas Ryan Gosling. Viggo Mortensen, outsider, il peut. Voilà, pas de chance. Donc Denzel Washington, ce sera lui. Parce que le rôle est payant, parce que c'est quand même un grand acteur. Et c'est quand même son film et à lui. C'est une adaptation de pièce de théâtre, si je me trompe. Voilà, pas. Et c'est quand même son film à lui, donc il a des chances. Au niveau de son sujet, il a des chances. Oui, et celui que tu voudrais? Ah, celui que je voudrais, Ryan Gosling. Voilà, okay. Parce que Ryan Gosling, désolé Ryan si tu m'écoutes, hein, mais je ne t'aimais pas avant. T'es allé nous t'emmerder et nous emmerder chez Refn, hein, au passage. Tu brilles depuis quelques temps. Tu brilles. Tu montres que t'es un grand, que tu peux tout faire. Donc continue comme ça. Que je te donne un 20 sur 20. Rigoler. Et ça, j'achète. Voilà. Putain. Ryan Gosling. D'accord. Après cette imitation de. Putain, je sais même plus pourquoi. C'est la télé-réalité, là. Non, c'est Danse avec les stars. Ah, oui. Ouais. Je ne regarde pas Danse avec les stars. Non mais je savais même plus qui c'était. Je sais que c'est le mec qui est un peu complètement dingue. Jean-Marc qui, Généreux. Ouais voilà. Donc meilleur acteur. Moi aussi, je suis allé avec le choix un petit peu. J'hésitais entre Denzel Washington et celui que j'ai choisi, donc qui est Casey Affleck. J'imagine Manchester by the Sea. T'imagines Casey Affleck gagne l'Oscar sous le regard de son frère qui lui se fait détester par tout le monde. Mais ouais, mais moi je sens bien parce que je sais que Manchester by the Sea a plu à beaucoup de personnes. Là, t'as Ben Affleck, il va regretter de l'avoir fait tourner dans Gone Baby Gone. Il va faire da da da da da da da. Il va lui montrer l'Oscar. Il va lui montrer l'Oscar. La la la, tu l'as pas. Live by Night, youhou, il n'est pas là. Ce serait trop fort. Donc voilà, Casey Affleck, ouais, Manchester by the Sea, je n'ai pas vu le film. Moi non plus, je l'ai raté. Mais ça a plu à beaucoup de personnes et le sujet, le sujet est un truc à Oscar quand même. Et là, sa prestation a été très soulignée d'ailleurs. Voilà, donc pourquoi pas. J'hésitais avec Denzel Washington, donc comme quoi Le monde est bien fait, tu as choisi Denzel Washington, j'ai choisi Casey Affleck. Voilà. Donc voilà. Et celui que j'aimerais voir, bah, c'est Ryan Gosling. Eh oui, Ryan Gosling. parce que La La Land m'a complètement réconcilié avec cet acteur. Comme que, beaucoup, t'es pas le seul. Beaucoup de personnes, voilà. Je trouvais, mais d'une inexpressif d'une fadeur, à un point, ouais. Mais vraiment il était fade, j'avais l'impression qu'il savait pas sourire. Il avait jamais souri de sa vie à part devant pour faire des photos, quoi. C'est tout ce qu'il savait faire. Mais voilà, Ryan Gosling dans La La Land, c'est vraiment, il a prouvé tout son talent en tant qu'acteur et en tant que chanteur et même danseur, hein. Donc voilà, c'est celui que j'aimerais voir récompensé. On passe maintenant au meilleur réalisateur. Donc nous retrouvons Denise Villeneuve pour Premier Contact. Étonnant d'ailleurs. Enfin oui, étonnant, parce que meilleure actrice, il n'y avait pas Amy Adams. Ah franchement, ça c'est... Ouais, c'est dommage. Et même pas Jessica Chastain pour Miss Sloan d'ailleurs. Pourquoi Meryl Streep, elle est encore là? Bah, oui, Meryl Streep, non, Meryl Streep, je vous explique. Même quand elle ne fait pas de film, elle est nommée. Je vous le dis. Ouais, c'est... Voilà. Ouais. Donc on retrouve donc Denis Villeneuve pour Premier Contact, Mel Gibson pour Tu ne tueras point, Damien Chazelle pour La La Land, Kenneth Lonergan pour Manchester by the Sea et Barry Jenkins pour Moonlight. Je pense que ce sera Damien Chazelle pour La La Land et je veux que ce soit Damien Chazelle pour La La Land. Même si j'adore Mel Gibson, j'ai adoré Premier Contact aussi, voilà. Mais pour moi, Damien Chazelle, c'est ce que j'aime par rapport. Moonlight, je sais que tu n'as pas. Enfin, on en parlera dans le prochain podcast parce que moi, je le verrai prochainement. Moonlight. Je l'ai pas encore vu, mais au niveau réalisation. Moonlight, ça n'a pas l'air dégueulasse. Hein. Non, c'est pas dégueulasse Moonlight, mais moi il y a un truc qui m'a dérangé, qui en même temps ça démarche, donc je peux pas lui reprocher de. Je vais pas juger le film pour ce que j'aurais voulu voir, mais le film joue sur une certaine sobriété, une certaine pudeur, et du coup je trouve que ça joue pas trop en sa faveur, ça rend le film un peu froid et totalement dénué d'émotions. Et je trouve ça un peu plat en fait, voilà. Donc au niveau de la réalisation, non, je le veux pas pour Moonlight, ce sera pour La La Land. J'aimerais bien parce que je le veux et je le souhaite. Non, je le crois et je le veux, voilà. Ouais, voilà, c'est ça. parce que, absence, comme j'ai dit, absence de cynisme, un réalisateur qui fait un film avec amour, pas pour les statuettes. Il est nommé, bah oui, parce que le film a plu, parce que c'est un film ambitieux, mais en même temps, ambition ne veut pas dire prétention, parfois c'est le cas, mais en tout cas, Damien, La La Land, c'est un film généreux, profondément sincère, intègre, et récompenser un travail aussi brillant, aussi maîtrisé, tant dans la démarche que dans le résultat final, moi je pense que ça mérite une statuette et il le mérite. Voilà. Puis bon, jeune réalisateur quand même, hein, il a près de 30 ans, voilà, faut le récompenser. Mais symboliquement aussi, j'avoue, Mel Gibson, j'aimerais bien aussi parce que bon. Mais voilà. Il a été récompensé pour. Brevard. Ah, Brevard, oui. Oui, mais crois, ça date, parce que sachant que Mel Gibson est un peu boudé par Hollywood, faut dire les choses. Hein. Ouais. Donc ce serait bien parce que voilà, Mel Gibson a prouvé avec Tu ne tueras point qu'il pouvait faire des grands films. Donc voilà. Qu'il avait encore de la matière. Et même Denise Villeneuve, ça me. Ouais, Denise Villeneuve, oui. Non, Denise Villeneuve, ça pourrait être vraiment pour Blade cool. Runner. Ça pourrait être vraiment cool. Non, Blade Runner, c'est une suite. Je sais pas si vraiment. Ah oui, ça... c'est vrai. Ouais. Je sais pas. Ouais, tu vois, Premier Contact, c'est un truc original. Enfin, c'est tiré d'un petit bouquin. Ouais. C'est pas un gros machin à la base. Donc, ouais, on verra bien. Mais. Alors moi, meilleur réalisateur, ça va être comme Morgan en fait, c'est Damien Chazelle, je veux et je crois. parce que voilà, j'aime beaucoup, enfin on est fan de La La Land ici, enfin en tout cas Morgan et moi. Ah oui, La La Land, c'est... voilà. Voilà. On est à fond dedans, donc voilà, Damien Chazelle, la réalisation est vraiment exceptionnelle dans son film, c'est splendide, c'est... en fait, j'avais oublié de le dire. Enfin, je sais plus si je l'ai dit ou pas dans le dernier podcast, mais je vais le dire comme ça. Il fait une explication, Ryan Gosling, dans le film du jazz, et que les musiciens de jazz, ils partent d'une base connue et ils sont toujours en train de recomposer, réécrire, rejouer. Ils sont en train de jouer tous ensemble avec les autres. Enfin, ils se répondent, etc. Et je trouve que Damien Chazelle, il fait ça en fait. Il prend des codes de comédie musicale et il rajoute sa sauce par dessus, il recompose des trucs et machin, il joue beaucoup avec les codes et tout ça, et c'est splendide au niveau de la réalisation, au niveau des mouvements de caméra et au niveau de, je trouve, la colorimétrie, tout ça, l'usage des couleurs, c'est En fait, les couleurs restent gravées dans tes pupilles Et après la ce film. musique gravée dans tes tympans. Voilà. C'est ça, La La Land, c'est un film marquant. Mais vraiment, je le dis, c'est tellement beau ce Vous film. devez en... Ceux qui n'aiment pas le film, ils doivent en avoir marre qu'on en parle. Mais oui, mais au bout d'un moment, voilà. Mais voilà, on est désolé, hein, c'est comme ça. On ne peut pas se refaire. Donc voilà, Damien Chazelle, je pense qu'il va gagner et j'espère qu'il gagne. Voilà. Et Denis Villeneuve, c'est un petit peu. J'aimerais bien qu'il gagne, Oui. personnellement, Il avait parce que déjà je été trouve nommé, je qu'il. crois, à l'époque de Prisoner. Mais il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné, Ou non. alors, je crois qu'il a gagné le meilleur film, Prisoners. Je sais plus Non. maintenant. Non, Non, en non. 2013, c'était... Ah non, non, Non, c'était. non. C'était pas Ah Gravity. non, c'est pas Gravity, hélas. Non, C'était 12 non. Years a... Non, oui, 12 Years a Slave, je crois. Non, c'est Ah. 2014. 2013, c'était The Artist? Non. Oh, non. Non, non, c'était 2000... Non. 2011, The Artist. Bah, ouais. Bon, vas-y, vas-y. Ouais, tu vérifieras et. non, bah Argo! voilà. Qu'est-ce qu'on dit? Ah bah voilà, Argo. Argo. Mais Putain, non, il Argo! revient encore. Oh, je sais Non, plus. Non, Argo, c'est non, 2012, Prisoner hein. était nommé à l'époque où il y avait 12 Years a Slave, justement. Ah bah c'était 12 Years a Slave alors qu'il a gagné. Voilà. Ouais. Je crois. Je suis pas sûr. Bon, bref, c'est pas grave. Donc là, on va passer à la catégorie oui, suprême, voilà, meilleur film. Donc on voilà, et il y a retrouve. beaucoup de Et il y a films. beaucoup de films, voilà, et pas forcément des bons. Enfin, si. Comancheria, Fences, Les Figures de l'Ombre, La La Land, un petit film, voilà. Ouais. Lion, Manchester by the Sea, Moonlight, Premier Contact et Tu ne tueras point. Alors déjà, je dois dire, je suis quand même content que Tu ne tueras point concours, parce que Ouais. voilà, ça me fait Et plaisir pour premier Mel contact Gibson. aussi. Premier Contact aussi. Et Comancheria, je ne comprends pas pourquoi, parce que j'ai vu le film, je le trouve totalement anecdotique. Il est bien, mais alors là, voilà, Enfin, quand j'ai vu le truc, je me suis dit ça avait l'air. Enfin, c'est un film de seconde zone, hein, vraiment. Ouais, Je comprends honnêtement, pas j'ai pourquoi pas. Je c'est. vois des 5 Enfin, sur 5 partout, 10 sur à la 10. limite, enfin, j'ai l'impression que c'est limite un direct ou DVD. Je veux pas Ouais. être méchant envers le film, mais. Ouais, je suis pas. Non, je suis pas tellement fan, ouais. Alors, ce sera Moonlight qui gagnera, et je le déplore. Pourquoi? Parce que enfin, le sujet du film, c'est un sujet à Oscar. Ça parle du milieu du ghetto. Il est aussi question du milieu gay. Enfin voilà, un noir gay, forcément. Donald Trump, oulala, rébellion. Donc, il y aura un côté très symbolique dans cette récompense. Et aussi parce qu'on l'a vu, et je veux pas me vanter, parce que l'année dernière, tout le monde disait ce sera The Revenant ou ce sera The Big Short. Moi, je disais, vous verrez, ce sera Spotlight. Ils aiment récompenser les petits films, et évidemment, c'était Spotlight. Et donc, je sais que ce sera Moonlight, vous verrez. Donc, ce sera Moonlight. Mais comme je le déplore, parce que j'ai pas vraiment aimé le film. J'aimerais La La Land. J'aimerais en fait un grand chelem pour La La Land, parce que La La Land, bouleversant, j'en ai parlé dans le dernier podcast, c'est magnifique, merveilleux, du grand cinéma comme j'aime. Un film, c'est pas un film à Oscar, c'est un film qui mérite des Oscars. C'est pas un film fait pour les Oscars, c'est un film qu'on Ouais. mérite. La différence, elle est là. Et voilà, et je peux aussi encore défendre mon petit chouchou, Tu ne tueras point. Ça, ce serait bien par contre. Si Tu ne tueras point gagner l'Oscar, ce serait tellement inattendu. Mais on va aller quand même dans le consensuel, parce que les Oscars, c'est un peu comme Cannes. Des fois, il y a quand même des récompenses un peu politiques. Et si on part Bah, à ce bien sûr. niveau-là, ce sera Moonlight qui gagnera. Voilà. Ok. Alors, moi, bah, je savais que tu allais mettre Moonlight, puisqu'on avait parlé un petit peu avant le podcast Mouzineur. Donc, du coup, moi, je suis allé vers un autre petit film, un petit peu même sujet, pas totalement le même sujet, mais Fences. voilà. Ouais. Donc, Lion. Ah, d'accord. Ouais. J'ai cru que c'était Fences. Non. Lion, pourquoi pas? Ah, c'est pas faux. Ouais, c'est possible parce que c'est sujet à Oscar aussi, c'est aussi petit film, c'est enfin voilà. Je pense que Lion a ses chances, même si Moonlight est très certainement va très certainement gagner. Je mise sur Lion, voilà, un truc que personne ne pense, mais puisqu'on n'a pas vu le film en plus, hein, Pourquoi pas, ouais. Mais ça, la il est semaine toujours pas prochaine. sorti, La semaine ouais. prochaine. Donc voilà. Et ce que j'aimerais, c'est La La Voilà. Land, bien Voilà, sûr. évidemment. Voilà. Voilà, que des La La Land. On en a marre de La La Land, arrêtez d'en parler. Voilà, mais La La Land, parce que c'est génial. On en a déjà parlé assez, je pense. Et ce qui me ferait plaisir, enfin, ce qui me ferait un plaisir un petit peu, enfin, ce serait Premier Contact, ou Tu ne tueras point. Ouais. Voilà. C'est des petits trucs comme ça. Si c'est possible, et par surprise, ça arrive. Je serais quand même content. Voilà. Et avec ça, je pense qu'on a tout dit. Voilà. Oui. Ah, c'est Jimmy Kimmel qui présente la cérémonie. Bon, Oui. ça va. C'est Et pas. cérémonie que bah, vous alors vous pourrez pas voir en clair, hein, faudrait hein, pour ceux qui vont. Moi, je vais regarder d'ailleurs. Et d'ailleurs, j'ai envie de faire une petite promo à comment dire à une Ouais, émission de cinéma que j'adore qui s'appelle Tea ils Time, vont. Ouais. voilà, qui s'appelle Tea Time Ciné, que vous pouvez retrouver tous les dimanches de 19h à 20h sur le site Radio Pulsar ou sur la station Radio Pulsar. Donc l'émission Tea Time Ciné qui est présentée en direct par Grégory, vous pouvez retrouver Maxime, tout ça. Enfin, ils parlent de cinéma et ils vont faire pour la nuit des Oscars Ils vont commenter en direct. en direct, voilà. Et je vais peut-être demander aussi à passer à la radio. Enfin, vous pourrez interagir avec eux sur Twitter en direct. Direct et tout, donc honnêtement, soyez au rendez-vous et écoutez l'émission. Je vous la conseille parce qu'ils sont absolument géniaux. Voilà, je les adore et je leur fais un petit coucou parce qu'ils méritent vraiment d'être écoutés. Voilà. Bah oui. Moi j'ai découvert avec toi, donc je ne connaissais pas avant et j'ai vu que tu tweetais pas mal à propos de Oui, hein, l'émission, franchement, donc et c'est pas par, je fais pas ça par lèche parce que je m'entends bien avec Grégory qui est le présentateur. Honnêtement, non, je le fais vraiment par envie parce que cette émission est Non, vraiment mais qualité. justement, j'ai écouté quelques épisodes et Ouais. c'est très sympa. Puis ils interagissent bien quand on commente, voilà, ils lisent nos tweets à l'antenne, ils en débattent et tout. Ils sont très, très, très, très sympas. Et puis, ouais, ben, les Oscars, c'est le 26 février 2017, donc Oui. dans la soirée. Dans la nuit de dimanche à Ouais, lundi. dans la nuit de dimanche, donc de minuit à 6h30, si je me trompe pas, quelque chose comme ça, en France en tout cas. Oui, bien sûr, c'est pas les horaires aux États-Unis, hein, rassurez-vous. Voilà. Sinon, il serait un peu mort. Mais voilà, donc moi personnellement, je la regarderai pas en direct, mais je regarderai bien sûr les résultats. Et puis même, j'ai un peu de mal à regarder 6 heures de cérémonie, surtout que c'est. Enfin, voilà. Je regarderai les highlights, en fait, le truc d'introduction, et puis les quelques numéros qui se feront. Et puis, bien sûr, les récompenses. On verra si on aura bien mis nos. Si on aura bien parié sur les bons films. Voilà. Et puis, je crois que c'est tout. On va pouvoir clore ce Parlons Cinéma, le numéro 20. Merci Morgane d'avoir participé. On est juste à l'heure en fait. C'est un truc de fou. Voilà. On est arrivé à l'heure et on finit à l'heure. C'est juste bien. Donc voilà, merci encore d'avoir participé. C'est toujours un plaisir de participer, enfin de parler avec toi de ces news et puis en plus de faire ce truc des Oscars, c'est sympa. On refera ça. Ben justement, on fera le débrief dans le prochain Parlons Cinéma. Donc dans un mois. On dira ce qu'on a pensé des résultats justement, si on avait juste ou pas. Et voilà, je pense on va faire ça à la fin du Parlons Cinéma numéro 21 qui sortira dans un mois. Merci à vous tous d'avoir écouté aussi, bien sûr, vous êtes les meilleurs de nous écouter. Je vais rapidement ra rappeler comme d'habitude où vous pouvez nous retrouver. Donc pour tous nos podcasts, toutes nos émissions, toutes nos critiques, c'est sur moviesnerd.net. Sur les réseaux sociaux, c'est Facebook et Twitter, donc MoviesNerd sur Facebook et Movies_Nerd sur Twitter. Vous pouvez aussi retrouver la page Parlons Cinéma sur Sens Critique, ça c'est nouveau. Vous pouvez noter l'émission Parlons Cinéma en tant qu'émission web sur Sens Critique, donc allez-y, allez faire un tour, vous pouvez même mettre des petits commentaires, c'est toujours sympa. Et j'y passe assez régulièrement pour voir s'il y a des nouveautés, enfin s'il y a quelqu'un qui commente. Donc si vous commentez, je le verrai. Et puis voilà, aussi nous retrouver sur PodCloud et iTunes. Pour nous mettre des étoiles et des étoiles et des petits commentaires pour nous faire monter dans les classements et pour nous faire connaître à plus de gens, parce que c'est toujours sympa que plus de gens écoutent l'émission. Et je crois que j'ai à peu près tout dit pour Movies Nerd, et je passe à moi. Donc moi vous pouvez me retrouver sur Twitter et Sens Critique sur TheLexal, THELEXAL, pardon. Et en ce moment, comme je l'ai dit dans le dernier podcast Movies Nerd, mais je vais le redire maintenant. Je fais le Disney Challenge, ça veut dire que je regarde tous les films de Disney. Et là, je suis arrivé quasiment à la fin et je regarde un peu les films que j'ai pas vraiment envie de voir, les compilations de moyens métrages des années 40 qui sont pas géniaux et qu'il faut vraiment lutter pour pas s'endormir devant. Voilà, donc je regarde ça et je dis ce que j'en pense aussi. Et puis vous pouvez retrouver la liste sur Sens Critique des 56 films bientôt. Donc il y en a 56, je suis à 51. Donc voilà. ça avance, et maintenant je vais laisser la place, la parole à Morgane pour nous dire ce qui... Morgane, que vous pouvez retrouver oui. sur Twitter, @cinémorgane, Morgane Cinéman. On a déjà expliqué hein, pourquoi je t'ai pas oublié. Dans le dernier podcast Movies Nerd. Ça va pas ou quoi? Dans le dernier podcast Movies Nerd, si vous voulez. J'ai réglé mes comptes avec cette chafouine qui m'a embêté. Ouais. Et sur votre caster, @cinémaniac. Voilà. Ok, c'est tout. J'attendais quelque chose d'autre, mais en fait. Non. Voilà. Je vais annoncer un petit truc. Tu l'annonces directement ? Oui, je vais l'annoncer. Vous pourrez prochainement, si je suis motivé, etc. Donc prochainement, ça veut dire peut-être dans 2 jours ou dans 2 mois ou dans 2 ans. Oui, voilà, c'est ça. Je vais sûrement reprendre le chemin des critiques écrites. Alors, je vous garantis pas un grand résultat, hein. J'ai envie de réécrire, voilà, pourquoi pas. Et ce sera des critiques, non pas sur mon ancien blog Cinémaniac, hein. Ah non, je peux plus, du coup. Mais aussi parce que gérer un blog personnel, ça prend du temps. Et j'ai pas envie, j'ai un peu la flemme. Donc ce sera sûrement des critiques, c'est même pas sûrement, c'est sûr, des critiques sur Movies Nerd, le site. Voilà. Donc vous verrez ça. De toute façon, on annoncera ça sur la page Facebook quand il y aura une critique. De toute façon, lui, Morgane, en parlera sur ses réseaux sociaux, j'imagine. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, suivez-le là-dessus. Et je crois qu'on a tout dit, donc merci encore d'avoir écouté, merci Morgane d'avoir participé. Et on se retrouve le mois prochain pour un prochain Parlons Cinéma, dans un mois. Ciao. Ciao tout le monde.